Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat et nous serons ici pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Ceci est l'édition du 1er août 2011, mais elle est diffusée quelques journées plus tard. Je m'en excuse, j'ai dû combattre un virus et puis disons que ma voix n'était pas très belle à entendre lundi. Alors, je vous ai épargné, cette voix rauque et puis me voilà déjà sur pied, ça va déjà mieux. Alors, merci pour votre patience. Donc, ceci étant dit, autre chose que vous devez savoir aussi, c'est qu'à partir de lundi, je vais prendre une autre pause un peu forcée parce que je vais faire mon départ d'ici d'Asie et puis je vais me rendre au Québec à la maison. Alors, j'ai quelques petits trucs à faire là pour pas vous cacher rien. En réalité, mon ordinateur est brisé au Québec et puis je vais devoir le réparer puis aussi me procurer une ligne Internet parce que toutes mes recherches se font à partir de l'Internet. Donc, vous allez devoir patienter encore possiblement quelques semaines, deux semaines, ça c'est certain. Et puis après ça, on va être de retour avec vous, donc ne vous découragez pas, ce sont des petits moments à passer comme ça, donc profitez-en pour aller jouer dehors. Alors voilà, écoutez, cette semaine, grosse émission encore, nous avons énormément de matériel à couvrir, donc on va y aller assez joyeusement, vous allez voir, on va traiter d'actualité, économie mondiale, nous sommes sur le bord du gouffre, l'agression de la Libye, Moyen-Orient, dossier torture, on parle un peu de 9-1, donc un peu de tout, là, on va faire un court rappel là, aussi, là, un retour sur la situation en Norvège et le scandale de Murdoch. Donc, on va vraiment faire un passage rapide cette semaine puisqu'on a vraiment développé ces sujets-là à fond durant les dernières émissions. Donc, si vous les avez manqués, je vous invite à aller revisiter les archives sur le site de Choc FM où vous pouvez trouver toutes les émissions du passé. Il n'y a aucun problème, elles sont tous archivées. Donc, voilà, la table est mise. Donc, on va y aller avec quelques petites... Écoutez, Montréal, au Québec, ça va pas très bien. L'infrastructure est en train de tomber, et puis c'est littéralement le mot « tomber ». Un peu comme aux États-Unis, et puis dans d'autres pays aussi, si vous regardez en Angleterre, ça va pas très bien non plus. On se retrouve avec des gouvernements, vous savez, on en a parlé dans les émissions précédentes, là, des gouvernements qui se sont finalement transformés en des représentants du secteur privé, des secteurs financiers, banquiers internationaux, et puis des multinationales, des corporations. Donc, ils ne représentent plus le peuple du tout, et puis finalement, ils servent si vous voulez, là, à être un paravent pour cacher le mécanisme là, de pompage des fonds publics, en fait, de la classe moyenne qui est en train de disparaître, de s'effondrer partout dans les pays occidentaux. C'est une constante et puis c'est vraiment en train de se passer partout. Et puis c'est pour ça que dans l'émission précédente, j'avais parlé de qu'il va falloir choisir entre la liberté ou la tyrannie. J'ai eu quelques commentaires intéressants qui me sont revenus et puis des fois, il faut expliquer aux gens un peu là, ce qu'on entend par des choses comme ça parce que des fois, ça pourrait s'apparenter à des speeches même que George Bush avait eu, hein, qui disait que c'est soit que vous êtes avec nous ou que vous êtes contre nous, donc le bien contre le mal. Et puis, écoutez, on n'en est pas là du tout, là. C'est pas le point du tout, du tout, du tout de mes propos quand je dis va falloir prendre, si vous voulez, un côté, va falloir choisir un côté, et puis d'être du côté de la liberté ou d'être du côté de la tyrannie. Et puis ça peut faire peur à certaines personnes. Et puis écoutez, il faut que j'explique mes propos pour que vous compreniez où je veux en venir, là. Je ne suis pas un extrémiste, là, en train de recruter des disciples dans mon armée secrète. Alors, écoutez, ce qui arrive, c'est que si vous êtes un vétéran ici, vous êtes un auditeur fidèle depuis longtemps, vous savez que ça fait des années que, ici à l'autre monde, on essaye de montrer aux gens qu'en réalité, il va falloir se départir de ce faux paradigme, ce paradigme entre la droite et la gauche, les conservateurs, les libéraux, les républicains ou les démocrates. Vous savez, ce sont des faux paradigmes parce qu'en réalité, on n'a pas de choix réel. Je veux dire, qu'on aille voter pour un poulain qui a été présélectionné par l'élite ou l'autre poulain qui a été présélectionné par l'élite. C'est le même marionnettiste qui est derrière la scène. Et puis, la scène politique est rendue une pièce de théâtre pour vous occuper, pour vous faire à croire que vous avez la liberté, que vous avez un pouvoir de choisir votre destinée en mettant un petit papier, puis en le pliant en quatre, et en le mettant dans une boîte aux 4 ans ou aux 5 ans, tout dépendant où vous habitez, là, dans quel pays. C'est une illusion, chers amis. Maintenant, on a vraiment affaire à un parti qui s'appelle le Parti de la guerre, le Parti de la haute finance internationale contre finalement contre vous, contre le peuple en général. En réalité, il n'y a pas vraiment de parti politique différent. Je veux dire, un coup qui se retrouve au pouvoir, et puis vous le savez tous, on a tous le même sentiment, le même feeling, c'est que finalement, rendu un coup au pouvoir, ces gens-là, c'est du même, ça revient à la même chose, c'est deux faces d'une même pièce. Je veux dire, écoutez, ces gens-là servent les mêmes intérêts et puis sont soumis aux mêmes intérêts, aux mêmes dictats. Alors, ce sont les multinationales, les grands pouvoirs financiers, les banquiers internationaux qui réellement contrôlent nos pays, nos politiques et notre système monétaire, alors contrôlent notre dette. Contrôle essentiel, quoi. Je veux dire, les multinationales, vous avez les 5 plus grandes multinationales des semences, des grains dans le monde qui contrôlent de 50 à 70% du marché de toutes les semences mondiales. Alors, pensez à ça, le contrôle incroyable. Ça, vous avez le cartel de l'industrie de l'énergie, que ce soit pétrolière, le charbon, le nucléaire, c'est la même affaire. Donc, quand on regarde les secteurs essentiels pour vivre, donc l'alimentation, l'énergie, la monnaie. Alors, on s'aperçoit que finalement, tous ces secteurs-là sont contrôlés par des oligopoles, par des cartels. Alors, finalement, quand je dis qu'il va falloir choisir entre la liberté ou la tyrannie, ben, ce que ça veut dire, c'est que c'est soit vous allez décider de travailler pour ces grands intérêts financiers qui n'en ont rien à foutre du bien-être de la population en général, et puis ils sont en train de tout piller. Et de mener la guerre à ceux qui cherchent à être indépendants. Puis on nomme ici la Libye, le cas de la Libye est vraiment typique. Puis vous avez la Norvège, les attentats de la Norvège, c'est la même affaire. Je veux dire, quand vous menez les affaires trop à votre façon, indépendante, et puis ben là, il vous arrive des affaires assez curieuses. Donc c'est soit vous allez travailler pour ces gens-là ou vous allez travailler pour le peuple de la planète entière. Là. On ne parle pas d'une faction ici ou d'un groupe de guérilla ou de quoi que ce soit. Là. Je veux dire, pas en train de partir, moi, un culte ou une secte religieuse ou de chercher des disciples. Là. Je veux dire, on parle de l'humanité entière, OK? C'est soit finalement, ce que je vous dis, c'est qu'il va falloir prendre un côté entre travailler pour l'humanité puis préserver notre humanité. contre cette tyrannie qui remontre son visage de façon cyclique à travers l'histoire humaine. OK? Donc, c'est vraiment ça où je veux en venir. Alors, ces trucs-là se manifestent maintenant dans la réalité. Puis ici, au Québec, ben, on a des ponts qui tombent. Alors, 2 ans, on avait un pont qui est en construction dans une ville à Laval. Et puis, zap, la poutre tombe sur l'autoroute. 5 personnes, je crois, qui sont décédées. Et puis là, il y a quelques jours, eh ben, c'est arrivé à Montréal. On a un tunnel, la 720, une autoroute qui passe, c'est l'autoroute Ville-Marie, hein, qui passe sous le centre-ville de Montréal. Et puis là, ben, on a une section de béton qui est tombée. Heureusement, personne n'a été tué. Mais une poutre comme ça s'est détachée dimanche matin vers 9h10 à la hauteur du viaduc de l'Hôtel de Ville. Et puis, écoutez, le truc s'est effondré. Donc, là, vous avez évidemment les autorités du gouvernement qui s'empêchent rapidement de dire, écoutez, il n'y a pas de problème, toutes les autoroutes ouvertes au Québec sont sécuritaires, on sait très bien, aucun problème. Santé, tu sais, on a à cœur vraiment la sécurité de la population. Et puis ces gens-là, ils nous mentent en pleine face. Je veux dire, c'est incroyable, c'est tellement cynique qu'à un moment donné, les gens, écoutez, sont complètement blasés de ce paysage politique de menteurs, de manipulateurs, de gens corrompus à l'os. Et puis, on apprend ici dans la nouvelle qu'il y avait une inspection complète du tunnel qui avait été réalisée par la firme d'ingénierie SNC-Lavalin qui avait documenté ses observations dans un rapport de 64 pages daté de mai 2008. Okay? Dans la section du document qui portait uniquement sur les paralumes installées sur la portion est du tunnel, plusieurs passages indiquent que ceux-ci, les poutres qui les soutiennent, étaient usées. Et puis là, il y a une citation qui vient du rapport, et puis je vais vous la lire. Les poutres préfabriquées en béton installées au-dessus de l'autoroute 720 Est présentent des fissures filiformes de cisaillement près des appuis du béton délaminé sur lame vis-à-vis des appuis. Peut-on lire à la page 3? Un peu plus loin, il est écrit que l'appareil d'appui de la poutre numéro 1 a glissé vers l'avant du mur de soutènement, résultant une perte d'appui de 25 %. L'actuel, ça c'est des citations même du rapport là. L'état actuel des paralumes en béton est douteux et nous recommandons à très court terme un relevé de dommages ainsi qu'une analyse structurelle pour l'ensemble de ces éléments, conclut la firme d'ingénierie au sujet des paralumes. La section du rapport portant sur les recommandations et le résumé des travaux à exécuter est aussi éloquente. On peut donc considérer l'état général comme étant critique quant à l'aspect sécurité des usagers, est-il indiqué au tout début de la section. Une autre citation. Suite aux travaux de sécurisation effectués, l'état général du tunnel Vigée sera acceptable, poursuit SNC-Lavalin, qui estime qu'à cela devront s'ajouter des travaux de réfection et des travaux de prévention pour augmenter la durabilité du tunnel Vigée. On apprend qu'en 2010, le gouvernement a procédé à une inspection annuelle sommaire résumée dans une fiche de 2 pages. La case éléments à vérifier renvoie tout simplement à la liste faite dans le rapport de SNC-Lavalin de 2008. C'est incroyable. Et puis là, vous avez le ministre des Transports au Québec, Sam Hamad, avait quant à lui soutenu dimanche que les inspections réalisées en 2008 et 2010 n'avaient rien révélé de pertinent quant à la portion du tunnel qui s'est effondrée. Ben oui. Il a plutôt expliqué que les travaux qui étaient en cours au moment de l'affaissement de la structure étaient destinés à renforcer les murs de soutènement du tunnel. Ceux-ci auraient donc porté le coup fatal aux poutres et aux paralumes déjà abîmés. Et puis là, vous avez le premier ministre Jean Charest qui fait écho aux propos de Sam Hamad, affirmant que l'inspection annuelle de 2010 a indiqué qu'il n'y avait pas de problème. Incroyable! Il n'y avait pas de problème, mais les poutres tombent. Les poutres tombent. M. Hamas a aussi rassuré dimanche que le gouvernement ne faisait aucun compromis pour assurer la sécurité des Québécois, j'imagine. Toutes les routes qui sont ouvertes sont sécuritaires selon le ministère des Transports, avait-il affirmé dans un point de presse en fin d'après-midi, après avoir visité la portion d'autoroute où un drame aurait pu se jouer. Les 2 rapports d'inspection ont été rendus disponibles en fin de journée lundi. Alors voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. Alors pendant que tout notre argent est siphonné pour payer des fausses dettes illusoires qui n'existent pas. Parce que c'est la même affaire aux États-Unis, puis vous allez voir, on va en parler là, rapidement dans les nouvelles avec cette histoire de plafond d'endettement, je veux dire un faux débat. Parce qu'en réalité, puis je vais vous le dire tout de suite, puis ça va vous mettre les choses en contexte quand on va en parler, c'est que On n'a pas besoin de monter le plafond de la dette. On n'a pas besoin de s'endetter plus pour se sortir de la dette. Ça n'a aucun sens. Finalement, ça revient à dire que on est trop dans la dette, puis là, pour se sortir de la dette, il va falloir s'endetter encore plus. C'est incroyable, je veux dire, ce qui se passe partout dans nos pays, au Canada, aux États-Unis, en Grèce, en Islande, en Irlande, au Portugal, en Italie, en France, en Angleterre, partout. Donc, au lieu de faire ça, on serait mieux de retourner, hein, à ce que la Constitution donne spécifiquement à la population du Canada, des États-Unis et puis de tous les autres pays. C'est le pouvoir ultime de la création de la monnaie. On n'a pas besoin d'emprunter à des banquiers privés avec des intérêts. On peut la créer soi-même. Le gouvernement, nous-mêmes, avons ce droit ultime. En fait, c'est notre prérogative. C'est de quoi qu'on ne devrait jamais laisser à des banquiers privés. Pourquoi leur donner ce privilège incroyable de créer la monnaie? Voilà le faux débat. Mais au lieu de faire ça, on emprunte à des banquiers privés avec des intérêts, puis là, il faut rembourser. Ils disent, oh là, on nous dit, écoutez, là, service de la dette, nanana, mesure d'austérité, il faut rembourser de l'argent, il faut rembourser de l'argent. Alors, on a créé des dettes odieuses qu'on devrait tout simplement effacer. On repart à zéro, on raye ça des livres. Merci, bonjour. Les gens qui sont responsables de cette trahison, trahison, haute trahison de nos pays, doivent être immédiatement traînés en cour pour leur trahison. Et puis on repart à zéro, là, je veux dire, voyons donc. Vous comprenez? Mais pendant ce temps-là, on ruine nos pays parce que l'essentiel des revenus, des impôts, des taxes des gens s'en vont à rembourser des dettes fictives à des banquiers privés. Et puis pendant ce temps-là, nos infrastructures s'effondrent. Il y a un pont, il y a quelques années, 2, 3 ans aux États-Unis, qui s'est effondré comme ça, un pont majeur. Boum! En Angleterre, eh bien là, c'est les chemins ferroviaires qui ne sont pas entretenus, puis là, les trains haute vitesse, ils rentrent dans les bâtiments. C'est partout dans nos sociétés comme ça. Alors là, aux États-Unis, on a un autre exemple flagrant de ça. C'est qu'il y a 2, 3 semaines, on a assisté au dernier vol de la navette spatiale. Et puis là, c'est la fin de l'ère spatiale aux États-Unis. Une ère spatiale qui a commencé en 1969 et qui s'est terminée en 2011. Parce que le Barack Obama, le Yes We Can, est le premier président depuis Harry Truman à présider sur une nation qui n'aura pas un programme actif spatial. C'est incroyable. On ne peut pas penser à un signe plus clair du déclin américain. Alors, vous avez cette fameuse navette spatiale qui va être maintenant mise dans les musées. Alors, voilà, donc ça va devenir une pièce de musée. Et puis, vous avez Cocoa Beach qui va se préparer pour la vie après les astronautes. Alors, ça, c'est la place où on lançait les navettes spatiales. Il y a eu beaucoup de pertes là-dedans aussi parce que la NASA, en quelque part, aurait pu développer une navette spatiale commerciale et puis la fabriquer en série. Et puis ce qui est arrivé, c'est que la politique de la NASA était de bâtir chaque navette selon un nouveau prototype. Alors ça a coûté énormément d'argent, évidemment, aux États-Unis. Donc on aurait pu, par exemple, construire une flotte de 30 navettes avec l'argent qu'ils ont dépensé pour n'en fabriquer seulement que 5. OK, donc il y a toutes sortes comme ça aussi d'erreurs qui ont été faites. Et puis là, Obama lui a décidé, avec Bush aussi dernièrement, ces deux-là sont reliés là, dans la décision finalement de ne pas renouveler le programme spatial de la NASA. Pendant ce temps-là, ben, vous avez les Russes qui ont lancé un nouveau télescope qui s'appelle le Spectre R, un nouveau télescope spatial extrêmement puissant et puis qui va finalement être mis en orbite. Et puis qui va être, écoutez là, extrêmement plus puissant. Il va avoir une résolution 10 000 fois supérieure au télescope spatial de Hubble. Et puis là, ben, on va être capable là, de voir des choses qu'on n'était pas capable de voir même avec le télescope de Hubble. Alors encore là, les Russes qui battent les Américains dans la course spatiale. Pendant ce temps-là, on apprend aussi que la Lune aurait autant d'eau que la planète Terre. Alors, ça, c'est aussi une découverte assez incroyable. Des scientifiques qui ont fait ça après qu'on a ramassé des échantillons avec la navette Apollo en 1972. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. Et puis, cette eau-là serait contenue à l'intérieur de la Lune, à l'intérieur du corps de spatial de la Lune. Ensuite, on apprend dans une autre nouvelle ici les fameux satellites voyageurs qu'on a envoyés il y a très longtemps. On les a lancés en 1977. Et puis, ces satellites-là fonctionnent encore et envoient tout le temps des signaux vers la planète Terre. Et ils sont en train de sortir de la zone d'influence du Soleil. Alors, ces satellites sont extrêmement loin. Sont à 14 milliards de kilomètres de la planète Terre. Et puis envoie encore des données. C'est assez incroyable. Et puis là, on est en train d'apprendre toutes sortes de trucs aussi. Ces satellites sont en train de voyager à travers une genre de mer de magnétisme et qui se trouve à être des genres extrêmement vastes bulles de magnétisme. Mais on est aux confins là, en fait, là, de l'attraction de l'influence du Soleil. Puis là, on rentre dans l'espace sidéral. Alors ça aussi, c'est assez incroyable. Donc, voilà pour les nouvelles spatiales. Et puis, on va ici vous suggérer un documentaire que j'ai posté sur les nouvelles internationales et aussi sur Sans-Papiers. Assez intéressant, un documentaire qui s'appelle Le Pyramide de déchets. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à le voir. Pyramide de déchets, alias la conspiration des bulles d'incandescent. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est tous au courant depuis longtemps de la technique de l'obsolescence, la durée de vie planifiée des biens de consommation. Sauf que le visionnement de ce documentaire rend un peu colérique, je dois vous dire, seulement que l'exemple du mec dans la vidéo qui a un problème avec son imprimante d'ordinateur est des plus choquantes. L'imprimante semble brisée, ne plus fonctionner et personne ne veut la réparer. Évidemment, vous êtes sûrement conscient de ça parce que plusieurs de nous ont eu cette expérience d'acheter une imprimante et puis après quelques utilisations, elle brise et puis finalement on nous dit dans les boutiques que ça ne vaut pas la peine de le réparer, qu'il vaudrait mieux d'en acheter une neuve. Alors, on nous montre un peu cet exemple aussi, et puis c'est un exemple réel. Finalement, l'imprimante n'est pas réellement brisée. Il y a une puce électronique à l'intérieur qui lui dicte de cesser de fonctionner après une certaine durée de temps d'utilisation. Par exemple, la puce peut dicter qu'après avoir imprimé 18 000 pages ou après 5 ans, l'encre commence à couler ou d'autres problèmes apparaissent. Si on remet le compteur à zéro, cependant, l'imprimante se remet à fonctionner comme une neuve. Alors, je ne suis pas en train de blaguer ici. Regardez cette vidéo et voyez par vous-même. Vous serez choqués vous aussi, chers auditeurs, vous m'en reparlerez. Alors, ça, c'est un documentaire assez intéressant à aller voir. Et sur une autre idée, ici, on va se lancer sur un autre article que j'ai publié la semaine passée qui s'appelle Chronique nécrologique, liberté d'expression sur l'Internet au Canada. Et puis ça concerne aussi une multitude d'autres pays, dont l'Angleterre, les États-Unis, la France. On est en train d'essayer par toutes sortes de moyens de mater la liberté d'expression sur l'Internet. Et si ça prend forme d'un projet de loi assez inquiétant, qui se donne tout le temps des apparences, là, évidemment, nobles, que ce soit pour lutter la pédophilie, l'antisémitisme ou les discours haineux sur Internet, évidemment que si c'était vraiment les motifs, il n'y a aucun problème avec ça. On est pour, évidemment, lutter contre la pédophilie et puis le racisme, l'antisémitisme et puis, toutes sortes de trucs comme ça néfastes. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte au Canada qu'il y a déjà des lois qui sont en place pour lutter contre ça. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'autres lois supplémentaires. Et aussi, on s'aperçoit bien souvent que c'est un peu un cheval de Troie qui est utilisé. Et puis après ça, on en profite pour donner des définitions assez larges dans ces lois-là pour inclure toutes sortes de discours, même qui pourraient être des discours dissidents politiques. Et puis c'est arrivé déjà dans plusieurs pays, dont en Australie et puis en France, où on a fermé des sites Internet qui n'avaient rien à voir avec la pédophilie ou l'antisémitisme ou quoi que ce soit d'autre, et qui étaient plutôt des sites qui étaient extrêmement critiques, soit de des corporations, des banques ou le gouvernement. Et puis on les a fermés. Alors, il y a déjà aussi comme ça, des cas aux États-Unis. Vous avez le Homeland Security qui a déjà fermé, je crois, c'est plus de 70 000 sites sur WordPress. Comme ça, du jour au lendemain, zap, on ferme ces sites-là. Merci, bonjour, ils disparaissent de la circulation. Alors, ça, c'est extrêmement inquiétant. Je vous invite à aller voir ce documentaire-là. Je vous laisse le lien d'ailleurs sur les nouvelles internationales où à chaque semaine, là, je vous poste toutes les sources, là, des informations dont je traite sur l'émission. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, écoutez, il y a d'autres nouvelles ici, là, qui vont être à voir. Justement, penser à. Il va peut-être falloir y penser à deux fois avant de critiquer Israël et ses politiques parce que ça risque d'être assimilé justement à ce qu'on essaye de nommer le nouvel antisémitisme. Alors, qui apparemment serait un antisémitisme déguisé en critique de l'État d'Israël. Et puis là, on dit que oh, c'est correct de critiquer l'État d'Israël, sauf que il y a beaucoup de gens qui critiquent l'État d'Israël et puis ses politiques et puis ses actes contre les Palestiniens. Et puis finalement, la motivation, c'est qu'ils sont antisémites. Alors, voyez que finalement, on est en train de brouiller la ligne entre l'antisémitisme réel et puis l'antisionisme. OK? Donc, un qui est une idéologie politique et puis un autre qui est religieux, donc qui sont à différencier aussi, même si où il y aurait des nuances aussi à faire à ce niveau-là. Sauf que c'est ça, on est en train là, de tranquillement faire de rendre ça très, très trouble et puis de faire en sorte là, qu'on efface les frontières et puis que tranquillement. Toute critique d'Israël, même de dire que l'État d'Israël pratique l'apartheid contre la Palestine, est antisémite. Okay? Donc, on est vraiment là en train de dériver vers ça. Et puis là, vous avez plusieurs articles là, à aller voir qui sont très importants, surtout ici au Canada avec Harper, qui est extrêmement pro-sioniste. Un virage là à 700 000 degrés, je ne sais pas comment l'exprimer plus. Je veux dire. Très pro-Israël, très pro-sioniste, et puis c'est extrêmement inquiétant. Alors, allez voir ça. Ensuite, différentes nouvelles ici, allez voir, ça a été publié par Wired, c'est des chercheurs de Berkeley, de l'université de Berkeley, qui ont découvert que sur certains sites Internet, parmi les plus populaires, on utilise des services de traçage. Alors, on vous suit à la trace. Et puis, on s'est aperçu que ces mécanismes-là sont extrêmement difficiles à éviter, même si vous utilisez des mécanismes pour bloquer les fameux cookies, ou si vous fermez les fameux services comme Flash, ou vous utilisez des moteurs de recherche qui utilisent des fonctions incognito. Alors, on vous suit vraiment un peu partout, vous êtes traqué partout, là, vraiment sur Internet. Et bon, petite parenthèse ici pour garder quand même le moral. Je vous ai posté un excellent article ici du Activist Post qui donne quand même là un peu d'espoir et de courage. C'est un article qui a été écrit en 21 points pour saluer les activistes et puis les médias alternatifs. Alors, on dit ici, c'est le voyage à partir de la théorie des conspirations vers des faits de conspiration. Et ça, c'est assez intéressant à les lire, malgré que ce soit en anglais, vous avez des traducteurs maintenant sur Internet, là, alors allez faire une traduction de ce texte-là, ça vaut la peine. Et puis, il y a plusieurs domaines comme ça dans lesquels, si vous parliez de ça il y a quelques années ou une dizaine d'années, on était tout de suite là taxé, étiqueté de conspirationniste et de théoricien de la conspiration, etc., etc., de fou, de malade. Et puis, on a ici 21 victoires clés dans laquelle la vérité, finalement, a réussi à battre les mensonges. Et puis, c'est devenu maintenant des faits acceptés et bien documentés. Le premier, c'est à propos des fameuses sociétés secrètes. Alors, même les médias niaient l'existence de ces fameuses sociétés secrètes, comme les Skull and Bones, les groupes de Bilderberg. On se rappelle de ça, les médias riaient de ça, hein, les Bilderberg, voyons donc. Puis là, ben, ces dernières années, les médias, ben, même les grands médias, se sont mis à couvrir les fameux sommets des Bilderberg qui existent réellement. Alors, vous avez aussi le faux paradigme dont j'ai parlé là, au début de l'émission, entre la droite et la gauche. Alors, ça aussi, vous avez beaucoup de progrès qui ont été faits là-dedans. Les révélations sur le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial. Alors, ça aussi, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits là-dedans. Les gens sont conscientisés à propos de ce qu'il y en a à propos de ça. Le cartel des banquiers privés. mondiaux, alors internationaux, ça aussi c'est important. Et puis c'est devenu beaucoup mieux compris maintenant. Vous avez la fameuse théorie là, complètement farfelue du réchauffement climatique causé par l'homme. Alors, ça aussi, ça a été démonté. J'ai bien hâte de vous faire une émission là-dessus. L'agenda 21, Big Brother, les fameuses opérations, les Black Ops, alors les opérations là, qui sont dissimulées par les services secrets. Alors, on parle beaucoup de ça. Alors, la torture, les trucs de gens comme ça, les crimes des mercenaires privés. Ensuite, les crimes de guerre, la vérité sur le 9-1, les fausses attaques terroristes, hein, à faux pavillons, false flag terror attack. Ensuite, la fameuse loi martiale aux États-Unis avec toutes sortes là, les camps de concentration, du FEMA et tout ça, aussi les campagnes de contrôle de l'esprit, alors les trucs là par DARPA, lithium, on en a parlé, les fameuses aussi modifications du climat par HAARP, on en a parlé de ça, les fameuses chemtrails. Alors, vous avez aussi les dangers des OGM, les dangers du fluor. Ça, on a fait plusieurs émissions ici sur l'autre monde. Et puis, ça, au Québec, il y a beaucoup de progrès qui est fait là-dessus. C'est parce qu'on n'en parle pas que il n'y a rien qui se passe. Alors, vous avez plusieurs villes qui ont cessé de fluorer. Et puis, vous avez même un jugement de la Cour suprême qui a été rendu, qui finalement explique clairement que la fluoration de l'eau est une médication de masse forcée de la population. Alors, évidemment, que là, vous avez plus en plus de conseillers de ville qui sont en train de reculer et de se rendre compte que là, écoutez, on ne peut pas faire ça. Le danger des vaccins et toute la campagne du H1N1. Ensuite, le domaine de la santé, VS Big Pharma. Alors aussi, les plans eugéniques, alors de réduction de la population mondiale, le clonage humain, les animaux hybrides et puis l'ingénierie génétique. Alors ça aussi, on a fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Alors, vous voyez que quand même, il y a des choses là, qui sortent, et puis les médias alternatifs ont connu énormément de succès ces dernières années, et puis tous les activistes, et puis vous, chers auditeurs, ces gens qui êtes là, les anonymes, les gens qui sont derrière leur ordinateur, et puis qu'après ça, vont parler à les gens, font des petites actions anonymes, on a un impact incroyable. Et puis, c'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias ou que vous ne le voyez pas directement que vous n'en avez pas. On a une influence de plus en plus importante, grandissante. Alors, surtout, ne vous arrêtez pas. Portez vos petits gestes anonymes et puis continuez de résister, de vous opposer à ce système qui veut vous déshumaniser. OK? Donc, voilà l'esprit de la prochaine résistance, si vous voulez, à cette tyrannie. C'est un mouvement sans leader. En fait, c'est même pas un mouvement. C'est ça qui est fantastique. Et puis, c'est ça aussi qui va être la clé du succès parce que le système est tellement bon maintenant à infiltrer tous les mouvements et puis à les démanteler de l'intérieur. Vous comprenez? Donc là, si on ne fait pas partie d'un mouvement, on ne fait pas partie d'aucun groupe, d'aucune secte, d'aucune bande, je veux dire, on est tous des individus, chacun de notre côté, tout simplement, je veux dire, qui font selon leur bonne conscience, selon les informations qu'ils possèdent, eh bien ça, c'est impossible à arrêter. C'est une révolution intérieure, c'est une révolution intérieure vers plus de conscience. Faire plus de lucidité, les gens qui réfléchissent, qui questionnent les choses, les gens qui ont un esprit critique, qui ne sont pas moulés dans la pensée unique. Comprenez? Donc, ça, c'est un élément très, très, très, très, très, très important et puis qui doit vous tenir confiant. Oui, on n'est pas seul, on est plusieurs, on est des millions de personnes qui se sont réveillées et qui se sont mis en action, qui ont changé de paradigme de pensée, qui sont en train de grandir, sont en train d'évoluer. La conscience est en train d'évoluer. OK? C'est en train de comprendre qu'on est tous unis dans cette expérience qui est l'humanité, qui est la vie sur Terre, et puis que cette vie, elle a un sens. Et puis découvrir son sens, c'est découvrir le sens de la vie, et puis les valeurs, c'est découvrir son humanité. Donc, voilà. Ensuite, vous avez un article ici qui va dans ce sens-là, c'est incroyable, et puis c'est des scientifiques qui découvrent. J'en ai parlé aussi ça dans le passé. Je veux dire, c'est des choses qui se confirment même avec la science. Les scientifiques ont découvert, c'est de l'Institut de Polytechnique de Rensselaer à New York. Alors, ils ont découvert, ces gens-là, c'est des scientifiques, qu'ils ont un point critique pour répandre des idées. Ils ont trouvé, ces gens-là, que ça prenait seulement 10% de la population qui ont une compréhension des informations, des croyances qui sont fermement tenues, si vous voulez. et que cette vision-là qu'ils ont, cette perception de la réalité, vont être adoptées de façon irréversible par le reste de la majorité de la société. C'est ce qui explique ça. On ne le dit pas dans cet article-là, je sais pas, j'ai pas lu au complet, mais c'est bien simple, c'est que les pensées, on sait que notre cerveau, nos pensées, ce sont des fréquences. Et puis les fréquences fonctionnent au carré si elles ont la même amplitude. Alors si les gens pensent la même affaire, eh bien, deux personnes au carré vont penser, vont avoir la même influence que, en fait, plus d'influence dans la dispersion de leurs pensées que quatre personnes qui pensent différemment. Comprenez? C'est quand même assez incroyable. Et puis, ça vous donne aussi, écoutez, c'est toute une claque dans le dos, là. Je veux dire, ça vient rassurer beaucoup de personnes parce que la plupart des gens vont vous dire, oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, regarde la masse de la population, les gens. Je veux dire, je parle au monde autour de moi, puis les gens, ils semblent endormis, ils ne savent pas ce qui se passe. C'est pas grave, ça. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est que vous avez juste besoin de 10% de la population pour être bien informée, consciente, lucide de ce qui se passe, de comprendre le monde dans lequel on vit pour que cette pensée-là, pour que cette vision-là se partage sans même qu'on en parle à travers toute la société. C'est incroyable. On dit que les idées, finalement, s'échangent comme ça, s'étendent, prennent de l'expansion comme une flamme, comme le feu. Donc, allez voir ça, c'est absolument positif comme truc. Et puis, ça vous explique pourquoi, justement, les grands médias et puis je veux dire, les autorités sont là, investissent des milliards de dollars pour contrôler ce que vous pensez. Hein? Pourquoi que les grands médias sont là principalement pour façonner votre perception de la réalité? Donc, libérez-vous de ces chaînes-là et puis soyez indépendant de la pensée. Posez des questions. Ça met en lumière, si vous voulez, ça donne un peu de contexte, de perspective pour comprendre les nouvelles qui s'en viennent, à savoir pourquoi qu'on cherche tant à contrôler l'Internet, à contrôler ce que vous pensez, la circulation des informations. Alors, aux États-Unis, par exemple, vous avez des sénateurs, un groupe de sénateurs qui se rencontrent en secret pour discuter de savoir comment qu'on va permettre l'espionnage, l'écoute électronique des Américains. Alors, on veut mettre des lois en place. Vous avez en fait une loi qui va prendre, en fait, là, son mandat va prendre fin l'année prochaine. Et puis, on est en train de discuter pendant qu'on parle d'économie, puis les gens sont occupés, justement, à remettre en place cette loi-là qui permet au gouvernement et puis aux agences d'espionnage aux États-Unis, la police, et puis, etc., etc., le FBI, de remettre en place des lois c'est le FISA Amendment Act aux États-Unis qui permettent à toutes ces agences-là de faire de l'écoute électronique des Américains. Alors, vous avez un gouvernement qui espionne, qui écoute ses conversations, ses courriels, ses conversations téléphoniques et qui intercepte tous ces trucs-là. C'est emmagasiné dans des banques de données. Alors, vous avez un gouvernement complètement de contrôle qui cherche à savoir tout et puis à savoir ce que les gens pensent et de quoi les gens discutent. Alors, vous comprenez un peu pourquoi? Parce que, justement, ce qui est important, c'est à quoi on pense. C'est ce à quoi on pense. Vous savez, c'est parce que ça façonne la réalité. Alors, voilà. Alors, vous avez un autre panel ici, c'est The House Judiciary Committee qui a approuvé un projet de loi cette semaine qui requérait des services d'Internet, en fait, des gens là, qui fournissent ces services d'Internet, de collecter puis de garder en mémoire toutes les activités des utilisateurs d'Internet. Alors, voyez encore là comment on s'inquiète de savoir ce que les gens pensent. On veut savoir ce que les gens pensent. On veut les intimider, puis on veut faire savoir à la population que, hey, on vous écoute, on vous épie. Vous êtes épié, vous êtes surveillé, vous êtes espionné. Et puis, c'est finalement, écoutez, là, une brèche totale de la Constitution des États-Unis. Alors, on est en train de tout simplement mettre à la poubelle la Constitution des États-Unis. Les États-Unis refusent de dire combien qu'il y a eu de communications qui ont été surveillées comme ça. Alors, Obama, qui avait promis plus de transparence, eh bien, voilà, dans le derrière. Alors, là, on refuse même de dire combien d'appels téléphoniques et puis de courriels ont été suivis par des agents du gouvernement dans des enquêtes sur la sécurité nationale. Et puis, ben, on est en train de dire aux Américains que, écoutez, on ne va pas vous dire combien de personnes ont été surveillées puis qu'est-ce qui a été surveillé. Puis là, vous avez ici le Pentagone qui a annoncé qu'il planifie suivre les activistes sur Facebook et Twitter. Alors, ça a été rapporté par The New York Times et The Washington Post, alors qu'ils ont écrit des articles par rapport à ça, détaillant un plan du Pentagone de détecter et de suivre à la lettre, pas de suivre à la lettre, mais de suivre les idées populaires sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, voilà. Hein, ça vous rappelle encore là à quel point, je veux dire, la population est suivie à la ligne et puis comment ces trucs-là comme Facebook et puis les réseaux sociaux sont là en place pour finalement savoir ce que la population savent et puis ficher et puis ramasser, collecter toutes ces idées-là, toutes ces informations-là. Puis si vous pensez que vous êtes indépendant parce que vous n'avez pas votre vrai nom, là, écoutez, chers amis, étant que vous réveillez, là, je veux dire, avec vous avez des programmes Google là, de reconnaissance faciale, alors qui sont mises en place et puis auxquelles collabore Facebook, okay? Et puis là, on suit les gens, on lit ça avec votre adresse ISP, on est capable de vous localiser là, instantanément là, d'où vous êtes exactement en train d'utiliser l'Internet. Et puis là, après ça, on suit toutes vos allées et venues sur l'Internet, partout où vous allez, combien de temps vous êtes là, ce que vous lisez. Et puis là, on monte des dossiers monstres sur vous. Alors, vous avez même Facebook aussi qui pousse pour justement faire en sorte que tout le monde soit suivi sur l'Internet. Alors, toutes vos activités, l'Internet soit suivi par le gouvernement. Alors, Facebook, là, qui vraiment pousse pour que ces choses-là prennent place. Google, qui est très content aussi de collaborer. Ensuite, vous avez Randy Zuckerberg, lui, le propriétaire, le directeur de marketing de Facebook, qui a déclaré que l'anonymité sur Internet doit être aboli. Alors, lui dit que personne ne doit être anonyme sur Internet. Alors, c'est fantastique. Alors, bien sûr que hein, la perte de cette anonymité sur Internet va faire en sorte qu'il va être vraiment très difficile pour les gens honnêtes essayant justement de répandre la vérité. Donc, on parle ici là, des whistleblowers en anglais, on appelle ça. Donc, les gens qui sont des insiders de l'intérieur sur des compagnies, puis finalement décident de faire fuir l'information, de révéler des informations importantes là, sur les compagnies ou les institutions pour lesquelles ils travaillent, donc soit ou le gouvernement. Donc, évidemment que là, ça va réduire beaucoup, beaucoup la dissidence politique, les gens qui vont répandre des informations cruciales sur, par exemple, des politiciens corrompus, depuis des banquiers, par exemple. Hein? Donc, vous voyez, là, on essaye d'intimider de plus en plus les gens qui essayent justement de répandre des informations critiques. Vous avez la France, les États-Unis, l'Angleterre qui ont déclaré la guerre sur la liberté sur l'Internet. Alors, c'est pas juste au Canada. Alors, vous avez toutes sortes ici là, justement là, de projets là, en utilisant bon, comme prétexte la pornographie infantile pour mettre en place des plans pour censurer toutes sortes de sites Internet. Alors, on veut mettre aussi des frontières virtuelles entre différents pays et puis à ce moment-là, bloquer des adresses ISP pour plus que vous ayez accès à différents territoires. Alors, on veut sectionner comme ça l'Internet pour plus qu'il soit mondial. Alors, c'est complètement débile. Allez voir ça. Au Tennessee, on a interdit de poster des images sur Internet qui pourraient causer un choc émotionnel. Okay? Donc, voilà, au Tennessee, là, on est en train de mettre en place là, des lois qui permet au gouvernement là, de retirer des images là, qui pourraient choquer les gens émotionnellement. Ça a été reporté par The Toronto Sun. Donc, par exemple, si vous avez des policiers qui sont en train de battre quelqu'un et puis en train de l'utiliser le taser, mais j'imagine que ça va être interdit d'être mis sur l'Internet parce que ça pourrait choquer les gens émotionnellement. Donc, évidemment, on voit à quoi cela pourrait être utilisé. Hein? Donc, comme le sommet du G20 qu'on a eu ici à Toronto, où on battait des gens et puis on faisait des arrestations illégales de protestants complètement pacifiques. Alors ça pourrait choquer les gens. Fait que, hein? Donc, voyez un peu là où on s'en va avec toutes ces histoires-là. Et puis, vous avez les cyberattaques sont déclarées comme étant un acte de guerre aux États-Unis. Alors, le Pentagone qui a déclaré ça, c'est les dernières semaines, j'en ai parlé, le Pentagone qui a déclaré l'Internet comme étant tout simplement un champ de bataille, alors un champ militaire de bataille. Alors, nous sommes des ennemis officiellement déclarés selon le Pentagone. Donc, c'est assez incroyable. Pendant ce temps-là, ben, les États-Unis ont décidé de ne pas enquêter sur les vols de données par Israël. Alors, voyez, vous, vous êtes l'ennemi, mais par contre, les gens qui font vraiment des vols, alors vous avez Israël ici qui, selon un rapport, ont occasionné des pertes de plus de 4,6 milliards de dollars, je répète, de 4,6 milliards de dollars en dommages qui ont été causés par Israël en volant justement des données, des données commerciales qui étaient classifiées secrètes et puis toutes sortes de trucs comme ça. Alors, eux autres, par contre, ils s'en sortent les mains propres et puis sans s'inquiéter. Donc, voilà qui est quand même assez incroyable. Donc, voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour les nouvelles là, générales là, par rapport à ça. Il y en a énormément et puis ça vaut la peine d'aller voir ça. Vous savez, la campagne d'Obama, lui qui, on s'aperçoit, ramasse beaucoup d'argent des milieux financiers de Wall Street. Alors, ça aussi, vous allez voir ça dans les nouvelles économiques. On va en parler encore. Et puis, vous avez aussi des milieux pro-sionistes, juifs, qui ramassent beaucoup d'argent pour Obama. Alors, vous avez des fonds aussi des riches de Wall Street qui a ramassé 86 millions pour sa campagne, sa future campagne électorale. Et puis, vous avez The Jewish Telegraphic Agency qui rapporte qu'il y a plus de deux tiers de l'argent du Parti démocratique qui vient de donneurs juifs. Alors, ça vient de la GTA, alors de Jewish Telegraphic Agency. Alors, c'est leurs propres chiffres, eux autres même, là, qui révèlent ça. Donc, vous voyez les influences encore là, très importantes, qui sont derrière Obama. Ensuite, ici, ben, au Canada, ça vaut la peine de le nommer. Vous avez The Canadian Jews Against Support for Israel. Alors, c'est une organisation qui s'appelle Independent Jewish Voices in Canada. C'est des voix indépendantes juives au Canada qui ont émis un communiqué de presse qui révèle que l'organisation de ces gens-là, c'est des juifs indépendants au Canada. Très intéressant parce que justement, ça va vous montrer que on n'est pas ici là, en train de faire du bashing anti-juif. En réalité, vous avez aussi quand même là, des groupes très intéressants de juifs, autant au Canada qu'aux États-Unis, qu'en Israël même, qui critiquent vertement là, le premier ministre canadien Stephen Harper et puis aussi Benjamin Netanyahu pour différentes pour leur politique en fait étrangère. Et puis ici, particulièrement dans ce communiqué de presse, ils critiquaient le premier ministre Stephen Harper, qui est le leader là, du Parti conservateur ici au Canada, pour supporter justement le gouvernement d'Israël, peu importe les crimes de guerre qui sont en train de se passer, génocide et crimes contre l'humanité qui sont perpétrés par Israël dans les territoires occupés palestiniens. Alors ça vient de la bouche même des Independent Jewish Voices in Canada. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs juifs aussi qui sont extrêmement lucides de ce qui se passe, puis qui sont assez gênés de voir ce qui se passe en leur nom aussi, puis qui finalement ils disent, écoutez, là, ça n'a aucun sens, là, il faut absolument que ça l'arrête. Alors, ils critiquent vertement justement la politique là, étrangère du gouvernement Harper par rapport à ce qu'Israël fait au Moyen-Orient. Aussi, un groupe qui s'appelle l'American Jewish. Alors, c'est en fait des Américains et Juifs, des protestants qui sont sujets à la torture à Jérusalem. Alors, ça aussi, vous voyez que quand ces gens-là lèvent la voix, eh bien, ils se font tabasser par la police israélienne et puis on arrête ces gens-là. Et on fait la guerre à ces gens-là aussi qui osent faire de la dissidence, même à l'intérieur même d'Israël. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, la plupart des vétérans et puis des gens qui sont dans les services militaires américains supportent Ron Paul. Et puis, vous avez plusieurs articles qui ont fait surface, là, même sur sans-papiers, comme quoi que Ron Paul est en train de vraiment, là, l'idée dans les sondages et puis dans tous les débats aux États-Unis. Alors, Ron Paul, qui reçoit même l'appui majoritaire des gens qui sont dans les soldats américains, quoi. Parce que lui, il dit qu'il justement va réellement cesser, pas comme Obama qui ment, là, il va réellement cesser toutes les guerres au Moyen-Orient, un peu partout, va fermer toutes les bases militaires américaines et puis tout rapatrier ces gens-là aux États-Unis et puis évidemment récupérer énormément d'argent comme ça. Plusieurs sondages ici sont listés de différents médias aux États-Unis, Fox, CBS, CNBC, TLDC, MSNBC, Cooper, Vortex, CNN, WePulse et puis CNN qui montrent toutes Ron Paul en tête là, des candidats au Parti républicain. Alors, Ron Paul, qui, si vous ne le connaissez pas, là, apprenez à le connaître, là, personnage très, très important aux États-Unis, qui parle de fermer la Fed, la Banque centrale, qui est une banque privée aux États-Unis, parle de fermer la CIA. Alors, ben oui, la révolution est en marche un peu partout, même aux États-Unis, puis en Israël. D'ailleurs, en Israël, vous allez voir des nouvelles sur ça. Écoutez, je l'avais dit, là, il y avait énormément de nouvelles cette semaine. Obama, qui, comme je vous dis, reçoit le Parti démocratique, qui reçoit le plus de deux tiers de son argent des donneurs juifs, eh bien, on apprend dans une autre nouvelle ici, du Wall Tribune, que les États-Unis vont investir des millions de dollars en Israël pour remonter l'image d'Obama. Donc, c'est assez incroyable. Alors, Obama qui investit des milliards de dollars des payeurs de taxes américains pour remonter son image en Israël. Alors, c'est assez particulier. Alors, vous allez comprendre aussi là qu'aux États-Unis, en Israël, ça va pas très bien pour Netanyahou, parce que là, vous avez des révoltes. On est en train de parler du printemps arabe qui se propage, le faux printemps arabe, disons. Là, je suis un peu cynique ici, là, qui se propage maintenant à Israël. Alors, vous avez eu cette semaine des manifestations monstres de plusieurs dizaines de milliers de protestants qui ont marché à Tel Aviv pour protester, hein, contre l'injustice sociale et les salaires, les gens de la misère à arriver, je veux dire, l'argent. N'est là à Israël que pour les gens qui sont au top de la société, les gens qui sont au sommet de la pyramide, et puis le reste de la population a de la misère à survivre en Israël, et puis là, les Israéliens, on en a marre. La gauche qui refait surface là-bas, donc en fait, je dis la gauche, tu sais, on parlait de ça en début d'émission, c'est une bonne frange de la population qui, finalement, qui s'aperçoivent que ces gens-là, écoutez, on leur fait peur avec le terrorisme, et puis avec les guerres, et puis ci, puis ça, finalement, ils s'aperçoivent que ce sont encore là toutes des tactiques de peur pour finalement justifier ce vol de la classe moyenne, ce vol des fonds publics. Et puis là, ben, écoutez, les gens, ils sont révoltés. Et puis, vous savez, ces Israéliens-là qui chantent Moubarak, Assad, Bibi Netanyahou, alors qui assimilent le Bibi Netanyahou à la même clique que les Moubarak et puis les Assad. Alors, voilà qui est un développement des plus intéressants. Alors, un autre ici, rassemblement, qui apparemment aura atteint 150 000 personnes, 150 000 personnes selon RT, donc Russian Today. Donc, un tsunami là, de protestations massives qui atteignent maintenant Israël pour justement manifester contre ces conditions de vie qui continuent de se détériorer en Israël. Netanyahou qui commence à être pas mal stressé, a annulé un voyage à l'étranger et pourrait partir des guerres, lui, justement, pour finalement faire taire ces protestations-là. Hein, donc, ont plongé le pays dans la guerre. C'est une bonne façon, justement, de fermer la gueule à ces soulèvements sociaux et puis tout à fait légitimes. Vous avez l'Afrique du Sud, un groupe de l'Afrique du Sud qui va mettre Israël en cour, alors les poursuivre en cour. Alors, ça aussi, c'était rapporté par le GTA Wire Service. Alors, très, très important aussi à suivre. Alors, on va voir si ça va se faire effectivement accuser Israël là, de traitement inhumain des Palestiniens en Israël, dans les territoires occupés, qui doivent finalement, là, qui remplissent les critères des Nations Unies, des conventions des Nations Unies contre les crimes d'apartheid. Alors, vous voyez là, il y a vraiment une base légitime et légale pour affirmer qu'Israël applique un apartheid contre la Palestine. Et puis là, c'est des groupes d'Afrique du Sud qui ont vécu l'état d'apartheid, qui était d'ailleurs soutenu en partie par Israël, d'ailleurs, dans le temps. Donc, rien que pour vous dire. Donc, pendant ce temps-là, ben, vous avez encore là des gens qui brisent les rangs, puis c'est pas seulement la population, mais aussi des gens qui sont très haut placés dans l'État d'Israël, et puis c'est d'autres nouvelles extrêmement positives, et puis justement qui vous montrent que on n'est pas en train de faire du bashing anti-juif, antisémite, parce que en réalité, ce qu'on est en train de dire, ce sont des faits, et puis vous avez de plus en plus de gens, des Israéliens, puis des Juifs qui se rendent compte que c'est effectivement le cas aussi. Et puis là, vous savez, ici, c'est le ministre de la Défense israélienne, Ehud Barak, lui qui a déclaré écoutez, là, je ne dis pas qu'Ehud Barak, c'est un saint, là, mais il vient de déclarer de quoi qui fait bien du sens. Et puis, il y a peut-être des personnes là, qui se rendent compte à un moment donné qu'ils sont peut-être allés un peu trop loin et qui dit que lui, Israël devrait justement s'excuser pour les erreurs qui ont été commises pour la flottille d'aide humanitaire l'année passée. Mais encore là, il faut faire attention parce que c'est une façon de couvrir un peu d'une certaine façon la réalité. Parce qu'il ne s'agissait pas vraiment d'erreur, mais je veux dire, c'était carrément un massacre, hein, de sang-froid, des gens qui n'étaient pas armés et puis qui ont été abattus à bout portant. Alors, évidemment que présenter des excuses serait la moindre des choses, mais ça couvre une réalité quand même là, qui est beaucoup plus horrible qu'on pourrait le penser, là. Je veux dire, ça l'inclut aussi l'état de siège contre la bande de Gaza, qui cause vraiment en fait, des problèmes de nutrition, en fait, des gens qui sont sur le bord de la famine, incluant les enfants là, dans la bande de Gaza. Alors, ça, c'est à voir en tête. Comprenez là, que ça brasse quand même pas mal là, en Israël. Il y a un sous-marin qui a été découvert aussi rempli de drogue. Alors, ça est sorti, une nouvelle sortie de Miami. C'est la garde côtière américaine qui a indiqué lundi soir là, qu'il avait avoir collaboré à la saisie d'un submersible qui transportait pour 180 millions de dollars de drogue dans la partie occidentale des Caraïbes. Le navire a été repéré, intercepté le 13 juillet au large des côtes du Honduras. Il avait alors coulé, mais il a été retrouvé mardi dernier après des fouilles menées par la garde côtière des États-Unis, la police fédérale américaine et la marine hondurienne. Alors, les plongeurs du FBI ont récupéré près de 7 tonnes de cocaïne qui ont été remises aux autorités américaines. Des submersibles de ce genre transportent régulièrement de la drogue le long de la côte pacifique de l'Amérique centrale, mais les responsables honduriens et américains affirment que c'est la première fois qu'un tel navire est intercepté dans les eaux de la mer des Caraïbes. Alors, ça vous montre un peu là que, je veux dire, les cartels et puis les cartels là, de la drogue, là, finalement, sont excessivement bien équipés. Là. Je veux dire, ces gens-là ont des sous-marins pour transporter la drogue. Là. 7 tonnes de drogue d'une valeur de 180 millions de dollars. Alors, voilà pour une opération absolument là, gigantesque. Une autre ici, une nouvelle assez particulière, une nouvelle qui s'appelle un canari dans la mine de charbon. C'est en fait de l'activité des tremblements de terre là, proche du volcan de El Hierro, proche des îles Canaries en Espagne. On a eu plus de 600 tremblements de terre. En fait, c'est 720 séismes qui ont été enregistrés à El Hierro, la petite île des îles Canaries, au cours de la semaine dernière. C'est un essaim de secousse qui a même incité le gouvernement des îles Canaries à convoquer la première réunion du comité de pilotage de surveillance des volcans qui s'est traduit dans le plan de protection civile et d'urgence spécifique pour les risques volcaniques, étant donné ce qu'il a décrit l'augmentation significative de l'activité sismique. On a beaucoup de tremblements de terre là, qui varient entre 1 et 3 sur l'échelle de Richter chaque jour. Et puis, la majorité des tremblements de terre sont enregistrés à une profondeur comprise entre 5 et 15 km. Pourquoi c'est important? Parce que ça fait longtemps là, que c'est répertorié, puis c'est compris, là. On appelle ça la Palma Landslide Tsunami. En fait, c'est le tsunami là, qui pourrait être créé parce que vous avez un flanc complet de ce volcan-là qui pourrait glisser, littéralement là, glisser le long de la pente dans l'océan et puis créer une vague immense qui pourrait traverser facilement l'océan Atlantique et atteindre la côte est américaine. Alors là, évidemment, il y a toutes sortes de scénarios catastrophiques, là, de savoir à combien haut la vague pourrait être. Sauf que vous devez comprendre qu'il y a réellement un risque là, même qu'à un certain moment donné, les Russes avaient étudié cette possibilité-là de faire extrêmement mal aux États-Unis, c'est-à-dire de lancer une bombe nucléaire tout simplement dans ce volcan-là, et puis tout simplement faire se détacher de cette section-là qui peu à peu se détache. On a vraiment des cracks de chaque bord là, de ce volcan-là qui apparaît et qui s'élargit au fur et à mesure, puis on sait qu'il y a un morceau massif de ce volcan-là qui est en train de se détacher graduellement, qui un jour va tout simplement glisser. Et puis, on pourrait assister à de quoi d'assez spectaculaire. Donc, des nouvelles à aller voir là. Au Kosovo, ben, vous avez des forces de l'OTAN qui sont envoyées à leur ce fameux faux pays qu'on a déclaré là, il y a quoi, un an ou deux maintenant, là. Qui se trouve à être finalement un lieu de transport de la drogue afghane, hein, qui est surveillé par la CIA et puis l'armée américaine, et puis qu'on fait transiger vers les marchés de l'Europe. Eh bien là, évidemment que les fameuses frontières ne font pas l'affaire. Les tensions ethniques entre la Serbie puis certaines portions là, du nord du Kosovo continuent de monter. Alors les tensions montent là-bas. Et puis là, ben, on est en train de s'apercevoir que ça pourrait devenir très laid rapidement. On a envoyé des troupes de l'OTAN dans la région. C'est 700 troupes de forces de gardiens de la paix qui vont être envoyées dans ces territoires-là, qui vont s'ajouter aux 6 000 qui sont déjà au Kosovo. Alors ça a été rapporté par différentes agences, dont Reuters. Chers amis, là, allez voir ça. Il apparaît que finalement, on est en train de voir là, un effondrement là, de ce qui se passe au Kosovo. Et puis, c'est là que c'est pour ça qu'on envoie ces troupes. 64 ogives aussi qui ont disparu d'un train bulgare. Alors, on est en train d'enquêter sur ce vol de 64 ogives de matériel militaire disparu d'un train. Bon, toutes sortes d'affaires qui se sont passées ces derniers temps. Regardez à l'œil aussi. Alors, envoyez des genres de nouvelles assez curieuses comme ça qui font surface. Voilà. Ensuite, on va terminer avec Israël qui a donné, qui a en fait mis en place, qui ont banni en fait tout boycott d'Israël, des produits israéliens. Alors, bannir les boycotts politiques. Alors, on a maintenant mis ça en place. Alors, on dit que c'est la seule démocratie en Israël, en fait, au Moyen-Orient. Et puis là, ben, on se retrouve avec des lois maintenant qui interdisent les boycotts. Qui sont dirigés vers l'État juif. Alors, c'est assez incroyable. Voilà des trucs à aller voir en plus de ça. Voilà, on va s'arrêter ici pour ces nouvelles. Ensuite, on va revenir rapidement après la pause sur le cas de Rupert Murdoch et puis sur le truc de la Norvège. Alors, là aussi, il y a eu différents petits développements. On va faire un retour rapide de ça. On ne va pas s'étendre énormément sur ce cas-là non plus. Et puis, on va aussi faire un petit topo rapide de nouvelles qui sont sorties à propos du 911. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause. Nous sommes de retour de la pause. Vous venez d'écouter Fondue de Tosca. OK, donc, chers auditeurs, on va y aller assez rapidement. Vous avez vu là, avant le début de cette pause que les informations sortent et puis on y va joliment cette semaine. Alors, on va essayer de sortir le plus de trucs possible pour vous. On va faire maintenant un petit résumé là, de ce qui s'est passé dans les deux dossiers, un de Rupert Murdoch et puis ensuite dans le dossier de la Norvège, les attaques terroristes qu'on a eues la semaine passée, dont on a parlé beaucoup là, durant la dernière émission. Alors, Rupert Murdoch, allons-y maintenant avec ceci. Premièrement, on a un lien ici qui nous renvoie vers un article qui pose la question à savoir s'il y a un lien avec le scandale de Murdoch. C'est une compagnie, une firme un peu connue, en fait, là, qui opère sous les radars et qui vend des systèmes, des outils de traçage, alors pour suivre les gens, alors pour les téléphones cellulaires. Et cette compagnie a vendu de ces outils-là pour suivre les gens à la police et à des agences du renseignement. Alors ça, c'est des révélations qui sont sorties un peu plus tôt cette semaine, en fait cette année, par The Tech Herald, que cette firme, que en fait la firme de sécurité qui a des liens assez étroits avec le Pentagone, a mené des opérations, des black ops qu'on appelle alors des opérations en sous-marin, là, si on veut, là, non déclarées, pour des banques majeures aux États-Unis et aussi des corporations. Et il est devenu assez clair que justement le propriétaire de ce software fut développé pour les militaires et puis des agences du renseignement, mais qu'ils ont été aussi utilisés pour cibler les Américains. Alors, un truc ici à les voir et puis ensuite plus relié plus directement à l'histoire de Murdoch et puis le scandale justement de l'espionnage et puis du hacking là, des téléphones d'un peu tout le monde et puis des liens vraiment assez particuliers avec l'élite, en fait, le gouvernement britannique. Alors, on apprend même que le juge qui mène l'enquête dans cette histoire, là, justement, de hacking des téléphones, a été demandé de sortir et puis en fait, d'être très transparent par rapport à ses liens à la famille Murdoch. Alors, imaginez même le juge qui mène ces enquêtes, là, dans ce scandale, apparemment a des liens avec la famille Murdoch. Alors, ça, c'est Lord Justice Levinson. Donc, vous voyez vraiment là, que cette histoire-là aussi là, est vraiment particulière avec toutes ses ramifications et puis toutes ses connexions vraiment là, au plus haut sommet du pouvoir. Ensuite aussi, on apprend dans différentes nouvelles, dont l'Independent, c'est un journal, un des plus importants journaux là, en Angleterre, et puis on apprend que justement Murdoch avait participé aussi à des briefings secrets de la défense. Alors ça, c'est arrivé à plusieurs reprises en réalité. On apprend que vous avez là, les ministres du cabinet qui ont permis à Rupert Murdoch et puis ses enfants, que ça a été révélé pour la première fois là, dernièrement, qu'ils ont assisté à plus de 2 douzaines de meetings privés entre la famille puis des membres seniors du gouvernement dans les 15 derniers mois depuis que David Cameron est entré à Downing Street. Alors, vous avez eu en fait un autre ici. Au total, on dit que les ministres du cabinet ont eu des meetings privés avec les exécutifs de Murdoch plus de 60 fois. Alors, imaginez. Donc, vous voyez là que ces gens-là, puis si on compte aussi les événements sociaux, là, et puis les réceptions, et puis les parties comme ça qui sont inclus, ce chiffre monte à 107, alors 107 fois. Donc, vous voyez vraiment là, on apprend aussi, comme je vous disais dans l'Independent aussi, que Murdoch a reçu des briefings secrets de la défense britannique. Alors, réellement, là, vous voyez le genre de connexion que ce personnage-là avait avec vraiment là, des gens qui sont le plus haut point là, dans le gouvernement et aussi dans celui du département de la Défense. Donc, quel média normal peut avoir des entrées comme ça? Faut vraiment se poser la question. Et puis, c'est là qu'à un moment donné, on commence à comprendre que derrière tout cet empire médiatique se cache quelque chose d'autre aussi. Donc, une opération du renseignement et possiblement d'espionnage et ou de propagande. Donc, allez voir ça. Ensuite, un article justement qui pose la question de savoir si c'est vraiment un scandale ou si c'est une opération du renseignement depuis longtemps. Puis on sait que cette histoire-là est connectée étroitement avec Israël. Donc, allez voir ça. Et puis, ensuite, au niveau de la Norvège, ben écoutez, deux, trois trucs avant que je commence avec les nouvelles, mais on va y aller là aussi rapidement. Là, on parlait de ce qui est le plus important. Je vais faire un petit retour à l'émission de la semaine passée, justement, où j'avais fait un profil un peu du personnage Anders Behring Breivik. Qui a tué 77 personnes finalement. Alors ça aussi, ça a été toute une histoire de savoir combien de personnes avaient été finalement massacrées dans ces attaques-là à Oslo et puis sur l'île où il se tenait un camp d'été là des jeunes du Parti travailliste. Bon, on a fait ça vraiment là à chaud là. Ça venait juste de se produire et puis il y a deux trucs à corriger. Le premier, c'était justement le nombre de victimes. Et puis, la semaine passée, les chiffres qui circulaient étaient autour de 80-90. Et puis, finalement, le chiffre officiel, réellement, ça a été assez particulier de voir ça. Les chiffres d'un média à l'autre variaient. Et puis, ça a pris plusieurs jours avant vraiment qu'on soit fixé sur le nombre total de victimes. Et on en est à 77 personnes. Massacre quand même vraiment très triste. Et puis, toutes nos sympathies là, vont évidemment aux familles des victimes. Écoutez, ça c'est une des choses. La deuxième des choses, une auditrice nous a écrit et puis nous demandait la source de l'information, à savoir, on discutait la semaine passée que Anders Behring Breivik aurait participé à un genre de camp, ça s'appelle Lake Elmo, et puis c'est pour avoir de l'aide, et puis c'est des camps là, de counseling, et puis on cherchait l'information à savoir si c'était confirmé que c'était rendu là, parce qu'on disait que justement, et en fait, à cette place-là, qui est menée par le mari de Mme Michelle Beckman aux États-Unis, se vante de justement d'utiliser la prière pour ramener les homosexuels dans le droit chemin selon ce qu'ils disent eux-mêmes, donc à redevenir des hétérosexuels. Alors, on avait parlé de cette possibilité-là que justement ce personnage Breivik soit homosexuel. Et puis, il y a deux choses à dire. La première, j'ai essayé de contacter justement ce centre de M. Beckman à Lake Elmo, et puis je n'ai jamais reçu de réponse. Alors, j'essaie de faire mon travail journalistique par après, que les événements se soient déroulés, puis on se soit commencé à se poser des questions, savoir si c'était vraiment rendu là. Et puis, j'ai pas eu de réponse. Alors, la question reste sans réponse. Alors, disons que c'est pas une information qui est confirmée, que ce soit rendu là aux États-Unis. Et puis qui aurait eu contact là avec ce genre de centre d'aide et de Monsieur Beckman. Et puis la deuxième affaire, ben c'est qu'écoutez, s'il ne s'était pas rendu, probablement qu'on se serait vraiment dépêché à dénier cette information-là, mais on répond tout simplement pas aux questions des médias. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Je ne sais pas. Mais de toute façon, cette histoire, à savoir s'il est vraiment homosexuel ou pas, n'est pas si importante que ça. C'est plutôt de tracer un genre de profil psychologique du personnage, parce qu'on sait que les chrétiens évangélistes sont vraiment contre ça, en fait, là, l'homosexualité. Et puis, vous savez, le personnage, il y a plusieurs indices là, qui pointent en direction qu'il était. Là, il y a eu des oreilles, des commentaires, des oreilles sensibles qui m'ont écrit et puis qui m'ont dit, écoutez, là, c'est peut-être un peu délicat de parler de ça. Et puis, écoutez, réellement, j'ai pas parlé de ça pour faire un point en particulier sur les homosexuels. Vous devez comprendre que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Si la personne est bien avec ça, c'est ça qui est important, là, ce qu'on essayait de tracer ici comme profil psychologique, c'est que par rapport à ses croyances religieuses, c'est de quoi qui est pas vraiment bien perçu à l'intérieur des chrétiens évangéliques. Et puis, la personne de Breivik, probablement qui est en conflit intérieur. Mais bon, c'est un sujet sensible et puis on commence à faire une analyse psychologique et puis il faudrait peut-être être mieux outillé pour vraiment comprendre la psychologie de ce personnage-là. Donc on va mettre ça de côté. C'est pas vraiment important anyway dans toute cette histoire-là. En réalité, les plus grandes influences de ce personnage-là étaient probablement franc-maçon et ultra-pro-sioniste. et vraiment profondément anti-musulmane et islamiste. Alors, c'est vraiment ça qui a motivé toutes ses actions. Et puis, c'est ça vraiment qui compte aussi, et puis qui a beaucoup gêné, évidemment, Israël et les sionistes. Voilà, ceci étant dit, là, si j'ai pu vraiment là, faire de la peine ou vexer quelques personnes que ce soit, là, réellement, recevez mes plus profondes excuses. Il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Ça n'a rien à voir là, avec justement l'homosexualité, à savoir si vraiment ça l'influe là, pour être un tueur ou quoi que ce soit, ou que ce soit un problème là, réellement. Là, il faut pas, c'est vraiment pas le but de mon propos là. OK, donc ceci étant maintenant réglé, écoutez, je vais vous laisser avec une multitude de liens, vous, là, pour aller consulter où on trouve justement possiblement des liens avec des influenceurs sionistes, peut-être aussi du Mossad. Il n'y a rien encore là qui est vraiment très clairement identifié par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que il y avait des traces de courriel et puis d'activité sur l'Internet, même à quelques heures avant le début des massacres, par M. Breivik, et qui, on sait qu'il a fréquenté, envoyé des courriels à des gens qui étaient soit très pro-sionistes ou israéliens ou juifs. Alors, donc, ça vous montre un peu là, son influence, et puis c'est probablement ça qui est arrivé, c'est qu'il a été influencé à distance, là, justement, à haïr, et puis on l'a rendu encore plus extrémiste. Je vous mets des liens aussi sur les Sayanim. Alors, ça aussi, c'est intéressant à savoir quels sont les Sayanim. Ça peut vous aider aussi à comprendre de quoi dans ce dossier-là. Ce sont des agents passifs, appelés plus communément des agents dormants, qui sont établis en dehors d'Israël, prêts à aider les agents du Mossad en leur fournissant une aide logistique. Le terme désigne également des Palestiniens ayant accepté de collaborer avec l'armée israélienne ou les Juifs de la diaspora décidant de collaborer de manière momentanée avec le Mossad par sentiment de patriotisme envers Israël. Alors, ça, c'est une courte description de ce que c'est, puis vous avez un autre article ici qui parle de ça. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est pas parce que je pense que M. Breivik lui-même en était un, mais probablement qu'il a été influencé par un de ces de ces cellules-là. Donc, c'est important de savoir c'est quoi les Sayanim, et puis en même temps, au passage, ça vous instruira un peu à savoir comment ces réseaux-là fonctionnent. Donc, allez voir ça aussi. Ça va être tout en lien sur les nouvelles internationales, comme d'habitude. Ensuite, écoutez, vous avez différents articles qui parlent justement de cette connexion de l'ultra-droite juive, donc des connexions. Ça vient de Gilad Atzmon. C'est intéressant à les lire aussi. Ensuite, vous avez un article ici aussi qui vaut la peine d'être découvert, qui a été écrit par David Horowitz, qui s'appelait de Quislings of Norway, et puis dans lequel justement on parle un peu là, de cette histoire-là, et on fait des liens avec la Norvège et puis l'Allemagne nazie, et puis on est en train de démoniser la Norvège dans cet article-là. C'est vraiment de la propagande, de la désinformation, et puis ça vous montre à quel point là, justement il y avait une genre de haine, si vous voulez, là, qui venait, si vous voulez, des pro-sionistes à l'envers de la Norvège. Alors, vous devez comprendre ça très clairement, et puis voyez différents articles ici aussi, différentes revues, par exemple des plateformes comme Front Page Magazine, Daniel Pipes, via Harry's Palace, qui soit ouvertement ou consciemment, mais un peu de façon déviante, ont si vous voulez, ont cultivé cette culture de la haine, et puis envers l'islam, et puis ont cultivé cette phobie, en fait, de l'islam, et aussi cette prétendue guerre des civilisations qui ont entraîné plusieurs personnes dans leur sillon, et puis finalement, c'est une culture en fait, là, vraiment extrémiste là, de haine contre les musulmans qui est propagée un peu partout quand même, et qui est susceptible justement d'entraîner des gens comme Breivik à commettre des actes vraiment détestables. Il faut parler de ça. On veut condamner l'antisémitisme, le racisme, mais il faut aussi condamner justement toute cette cette haine contre les musulmans, ces gens qui sont anti-musulmans. Et ça fait partie de la même affaire qui sont à surveiller puis à bannir. Donc, allez voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez d'autres articles là, qui parlent bon, de différentes choses là, par rapport à la Norvège, là, justement, qui faisait en sorte que les sionistes n'étaient pas vraiment contents avec la direction que la Norvège prenait. Et puis, vous avez différents aussi exemples ici de commentateurs et puis de certains médias juifs qui ont genre de, si vous voulez, là, un peu par la bande, là, passer le message que la Norvège méritait un peu ces attaques de terroristes. Alors, vous avez des articles qui sont un peu à découvrir dans ce sens-là. Et ensuite, on apprend que Brevik a marché avec aussi la English Defence League à Londres, qui est fortement infiltrée par des agents du MI5 en Angleterre. Alors, voyez un peu les déconnexions, là, réellement, là. Quand on essaie de vous faire à croire que ce gars-là n'avait aucune connexion, eh bien, il faut revoir ça de plus proche. Et puis, vous avez aussi différents articles qui parlent d'un deuxième tireur qui était présent sur l'île en Norvège, à l'île d'Utøya. Alors, il y a différents indices qui nous permettent de croire que justement, Brevik n'était pas seul. Et il y a certains rapports qui ne sont pas confirmés encore, mais qui semblent émerger de plus en plus que Brevik aurait transporté des walkie-talkies durant son massacre sur l'île. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait eu des complices ou qu'il était en contact avec certaines personnes. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant à les découvrir. Et puis, ensuite, ben, il y aurait peut-être une autre affaire à noter. C'est important, c'est Glenn Beck aux États-Unis, lui qui a son programme sur Fox News, qui lui a déclaré que, en fait, lui, il a essayé si vous voulez, de dire que les jeunes qui étaient là sur l'île d'Utøya étaient un peu comme la jeunesse d'Hitler. Alors, essayer de faire un genre de parallèle entre ces deux types de groupes de jeunes. Alors, un peu déviant comme perspective. Alors, allez voir ça vous fait réfléchir un peu aussi. La police aurait apparemment su le nom de Brevik avant même son arrestation. Alors, ça aussi, c'est une information qui est sortie sur Channel 4 News. Et puis, là, vous avez un article à aller consulter à propos de ça. Donc, apparemment que la police l'a rappelé par son nom 3 minutes après qu'il soit arrivé. Alors, on se demande comment ça se fait qu'il connaissait son nom. Donc, un autre truc assez curieux à aller explorer. Donc, là, on a aussi une confession de ce malade-là, M. Brevik, qui a affirmé que justement que le président était une cible, qu'il cherchait à l'abattre. Il aurait parlé qu'il y aurait 2 autres cellules actives, c'est à savoir s'il raconte la vérité ou s'il nous raconte des mensonges. L'affaire qui est la plus curieuse, c'est que vous savez que quand l'histoire est sortie la semaine passée, on a essayé de mettre ça sur le dos de l'Al-Qaïda immédiatement, et puis là, la version officielle a fallu qu'elle soit changée rapidement. Et puis là, justement, pour éviter qu'ils se fassent contredire encore, puis qu'il a l'air de des fous, eh bien, on a décidé de mettre le suspect en isolation. Alors, pendant quoi, 4 semaines? Alors, voyez, là, le temps qu'on construit la version officielle et puis qu'on vous la vende, et puis après ça, ben, on va le laisser parler. Donc, assez curieux, n'est-ce pas? Donc, allez voir ça, c'est pas mal tout, là. Il y avait peut-être d'autres nouvelles, là, à aller voir, mais je vais vous laisser les découvrir par vous-même. La page de Facebook de Brevik aussi qui a été hackée après qu'il a attaqué. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. On se demande s'il n'y a pas justement des manipulations pour faire fitter, faire cadrer justement la version officielle avec ce qu'on veut. Donc, différents trucs comme ça là, qui soulèvent des questions quand même assez intéressantes. En dernière, on va faire un petit parallèle ici. En dernier, là, c'est un petit clin d'œil justement à cette affaire-là parce qu'on s'insurge bien gros de ce qui s'est passé en Norvège et puis avec raison, là, je veux dire, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Mais c'est quand même aussi de voir les deux poids, deux mesures. Vous avez justement un hélicoptère britannique, lui, qui a blessé 5 enfants en Afghanistan. Alors, on a ouvert le feu comme ça et puis on a tiré sur les enfants. Et bon, on dit que c'est une erreur, évidemment, c'est des dommages collatéraux, hein. Mais c'est ça qui est particulier quand vous avez quelqu'un qui rouvre le feu sur des jeunes adolescents sur l'île d'Utoya. Eh bien là, ça c'est un fou terroriste. Mais quand c'est justement des soldats de nos armées qui performent une occupation militaire de l'Afghanistan et de l'Irak et qui, dans leur folie, ouvrent le feu et puis finissent tout le temps par blesser des civils, dont des enfants, eh bien ça n'est pas considéré comme des actes de terrorisme et de violence incroyables. Alors un petit clin d'œil comme ça en passant, n'est-ce pas? C'est à peu près ça, quoi. Donc, on va y aller avec maintenant les nouvelles. On va parler un peu de la torture et puis du 911. Et puis d'ailleurs, on va commencer avec le 911. Vous avez différentes nouvelles qui sont sorties aussi, qui sont très intéressantes. Alors, on va aller assez rapidement. Bush, cette semaine, qui a essayé d'expliquer pourquoi il y a eu une réaction très lente lors des attaques du 11 septembre 2001. Alors, apparemment que lui a déclaré que il était conscient que là, il avait pris la décision en réalité de projeter une aura de calme alors qu'il se déroulait une crise. Alors, complètement incroyable, le monsieur, si vous vous rappelez, dans les vidéos, on l'avait vu Bush assis dans la salle, en fait dans la classe avec les écoliers, et puis on lui apprend que des avions ont commencé à percuter les tours à New York, et puis Bush, lui, qui reste assis sur sa chaise et continue de lire des histoires avec des enfants. Mais le plus curieusement, c'est pas nécessairement Bush qui reste assis là, mais c'est les services secrets qui sont censés assurer sa sécurité. Et normalement, si on était conscient que les États-Unis étaient sous attaque terroriste, personne ne pouvait savoir en réalité si c'était vraiment des attaques terroristes non planifiées. Que Bush, personne ne pouvait savoir que Bush était en sécurité là. Donc, on devait assumer automatiquement que les terroristes savaient où Bush se trouvait. C'est un événement public qui était annoncé déjà depuis plusieurs jours. Et normalement, dans une situation pareille, les services secrets l'auraient pris par le collet. On le lance dans le fond d'une limousine avec des vitres pare-balles et on s'en va le mettre à quelque part pour le cacher. Ce qui n'est pas arrivé du tout. Alors, ça ne s'est pas produit de cette façon-là. Même les services secrets sont restés très calmes. Il n'y a personne qui a bougé pendant de longues minutes. Je crois que c'est quoi le temps? Ça fait longtemps, là, mais je crois que c'est une vingtaine de minutes comme ça. Et puis, après ça, Bush en va tranquillement. Et puis, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on le met dans un avion et puis qu'on le fait disparaître. Donc, vous voyez là vraiment une incongruité ici, là vraiment immense. Et puis là, depuis ce temps-là, tout le monde, évidemment, connaisse la réaction de Bush à ce moment-là. Puis tout le monde se pose des questions, évidemment, parce que ça soulève la question à savoir si les services secrets ne l'ont pas enlevé directement de là dans la seconde qui a suivi. Qu'ils ont su qu'il y avait des attaques qui se déroulaient à New York et sur le Pentagone, et c'est parce qu'ils savaient que Bush n'était pas en danger. Et puis, s'ils savaient qu'ils n'étaient pas en danger, ça veut dire qu'ils étaient au courant, d'une certaine façon, que ces attaques-là étaient pour se dérouler et puis que Bush n'était pas une des cibles. Alors, une information très importante. Et puis, Bush a essayé de finalement nettoyer, si vous voulez, cette partie de l'histoire et puis d'essayer de se justifier. Sauf que vous devez comprendre qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec le travail du président de projeter une aura de calme dans une situation de crise. Okay? C'est évidemment le travail de la secrétaire, du secrétaire des médias, de la secrétaire de la presse de la Maison-Blanche. Donc, voilà. C'est une nouvelle assez importante à aller voir. Ensuite, une autre nouvelle ici assez particulière à aller découvrir, c'est ce qu'on appelle the Ring of Steel, alors l'anneau d'acier qui va être autour des nouveaux bâtiments de Ground Zero, parce qu'on est en train de rebâtir justement hein, ces tours jumelles. Et puis, vous allez avoir tout un appareil de sécurité qui va entourer ces nouvelles tours. C'est assez incroyable à aller découvrir ça. 2000 stations mobiles de détecteurs de radiation qui vont être transportées par les officiers du NYPD. Vous allez avoir plus de 3000 caméras de sécurité qui vont être déployées autour de ces tours. Et puis, vous allez avoir aussi un centre de commande de très haute technologie dans le centre et le bas de Manhattan. Et vous allez avoir aussi toutes sortes de programmes d'ordinateurs, d'analyse de visages et puis de toutes sortes d'affaires comme ça qui vont être installées pour assurer la sécurité. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. Et une autre nouvelle, on apprend qu'on a des enregistrements de sécurité qui sont manquants dans le World Trade, en fait, là, des archives du World Trade Center. Alors, dans la nuit du 23 août 2001, à environ à 3 heures de la nuit, les caméras de sécurité dans les garages, dans les sous-sols du World Trade Center ont capturé l'arrivée de deux ou trois vannes, des camions. Et si on examinait visuellement, on pouvait déterminer que justement ces vannes avaient en fait, provenaient de des services d'entretien différents, séparés, qu'ils avaient des couleurs et puis des marques différentes. Alors, ces trucs-là sont arrivés dans les tours environ à 2 h 30 de la nuit. Et après ça, vous avez ces vidéos-là qui ont disparu. Alors, c'est assez particulier, ça pourrait expliquer justement des équipes qui arrivent pour installer les systèmes de démolition contrôlés. Il y a aussi cette histoire que les médias ont carrément enterré, un camion qu'on a trouvé en réalité sur le pont de George Washington, qui était rempli d'explosifs. Alors, une histoire qui est vraiment documentée, mais que les médias ont refusé de commenter. Alors, voyez aussi des informations là, qui tendent à confirmer justement cette histoire que justement ces tours se sont écroulées à cause d'une démolition contrôlée. Vous avez aussi les programmes qui ne vont pas couvrir les secouristes qui sont intervenus lors du 11 septembre pour secourir les gens. Alors, plusieurs de ces personnes-là ont respiré des poussières qui étaient toxiques, alors que les autorités américaines avaient assuré à ces gens-là qu'ils n'avaient pas de danger avec l'air et puis qu'elles n'étaient pas contaminées, que ces gens-là n'avaient pas besoin de porter de masque. Alors, ces gens-là ont développé des cancers assez sérieux. Même des multiples cancers. Et puis là, on apprend que ces gens-là ne seront pas couverts pour traiter leur cancer. Alors, c'est de la façon qu'on remercie ces secouristes. N'est-ce pas assez incroyable? Vous avez aussi un nouveau curriculum qui va être développé pour les professeurs. Alors, on va éduquer les étudiants par rapport à l'histoire du 9-1. Alors, on va essayer de leur implanter dans la tête la version officielle du gouvernement. N'est-ce pas aussi incroyable? Alors, vous voyez tous les moyens qui sont pris en place là, pour vraiment leur faire passer la version officielle qui ne passe pas, évidemment. Donc, on a eu des évacuations aussi peu communes et puis des chutes d'électricité. Alors, on a eu des manques d'électricité juste avant justement la démolition du 9-1. Alors, plusieurs trucs comme ça, aller voir toutes sortes d'informations importantes. Et puis, ben non, vous avez, bon, c'est ça, là, je vais pas aller plus loin là-dedans, là, je vais vous laisser découvrir ces informations-là pour vous. Et puis, vous allez en trouver plusieurs là-dedans là, qui valent la peine d'être vus. Donc, même si on n'en parle pas autant dans les médias, le mois de septembre arrive, c'est le 10e anniversaire, et puis c'est important qu'on comprenne réellement que cette histoire-là, c'est évidemment une job de démolition contrôlée. Ça a été fait de l'intérieur, et puis il n'y a aucune histoire qui puisse tenir debout en disant que ce soit des avions là, qui sont responsables de l'écroulement de ces tours-là. Quoi, on est rendu pas loin de 2000. Attendez un peu, je vais vous trouver ça directement en live, là. Savoir combien il y en a d'architectes et d'ingénieurs qui sont ensemble pour justement dire, attendez un peu, on est 1531 maintenant, je fais partie de ce groupe-là, des architectes et des ingénieurs pour la vérité sur 911. Et ça continue de plus belle. Il y a vraiment un succès là, immense là, à fur et à mesure que ces gens-là se déplacent de ville en ville pour faire des conférences et puis expliquer aux autres architectes et ingénieurs, montrer les plans réels, toutes les faussetés qui ont été passées. Et puis on se rend compte, évidemment, en tant que professionnel du bâtiment, que ces tours-là n'ont pas pu s'écrouler comme ça dans le chemin de plus haute résistance structurelle à la vitesse de la chute libre. C'est absolument impossible si on ne fait pas sauter les colonnes et puis toute la structure là, en fait, une job de démolition contrôlée. Alors, voilà, donc, lourd dossier ici du 9-1, allez voir pour vous et puis allez consulter. Et rappelons-nous de cette histoire incroyable. Le 11 septembre, ça l'approche très bientôt et puis il ne faut pas que cette histoire-là tombe dans l'oubli. Donc, un peu lié avec ça, après les événements justement du 9-1, ben, il y a tout ce dossier de la torture dont je voulais vous parler aussi. Je vais le faire encore là assez rapidement. Je vais vous inviter à aller voir les sources sur les nouvelles internationales, mais les nouvelles sont assez incroyables aussi dans ce dossier-là. Vous avez des provisions de la loi martiale qui sont passées secrètement au Congrès, un comité du Congrès. Donc voilà, on est en train de aussi là, de redéfinir les règlements pour détenir des suspects terroristes apparemment. Alors ça l'inclut donner plus de pouvoir aux juges militaires pour revoir des cas de prisonniers en Afghanistan, pour mandater des détentions militaires pour des gens, des suspects de l'Al-Qaïda, ben oui, qui auraient été capturés par les États-Unis. Alors, on se donne encore le pouvoir de continuer justement à tout simplement enlever les gens comme ça, puis leur faire faire des procès militaires, et puis les détenir de façon indéfinie, sans aucun recours à la loi des avocats. Alors, c'est vraiment des réseaux noirs, là, des réseaux secrets de détention de des gens qu'on dit être des suspects terroristes. Alors, ces gens-là ne voient même pas les preuves qui sont contre eux, qui sont portées contre eux. Les gens, bien souvent, ne savent même pas de quoi ils sont accusés pendant des années, croupissent dans des prisons secrètes. Et puis, sous Obama, écoutez, vous avez la population des détenus à Bagram, en Afghanistan, qui a plus de triplé. Alors, le fameux président, lui, qui voulait de la transparence, yes, we can. Alors, le nombre de détenus là-bas a plus de triplé. Alors, c'est incroyable. C'est encore des détentions dans des centres de détention militaires sur la base aérienne de Bagram. Donc, vous avez plus de 1 700 détenus qui sont là-bas. Alors que quand Bush a quitté, il y en avait environ 600. Alors, vous voyez, M. Obama, maintenant, lui aussi, qui pratique la torture. Alors, c'est important de savoir. Vous avez George W. Bush, lui, qui a déclaré que il savait que les prisonniers à Guantanamo étaient innocents. Alors, ça a été publié dans The Times le 9 avril 2010, un des journaux importants en Angleterre. Alors, ça, c'est très important parce que vous savez, Donald Rumsfeld puis George W. Bush et Dick Cheney, qui savaient que ces gens-là, la plupart, étaient complètement innocents, et puis on les a gardés dans ces camps-là pendant des années, puis plusieurs ont été torturés, d'autres sont décédés, alors et puis plusieurs sont encore là. Alors, n'est-ce pas absolument incroyable? Et ben écoutez, vous avez dans une autre nouvelle ici, où on parle de George Bush qui devrait être justement poursuivi en justice pour la torture. Ça vient d'un groupe pour les droits humains, c'est Human Rights Watch, qui a déclaré que l'administration Obama a justement manqué d'agir sur les évidences qu'on a pour citer M. Cheney Rumsfeld en cour. Alors, vous avez l'administration Obama qui ont décidé de couvrir justement les crimes de l'ancienne administration et puis en fait qui les poursuit, non seulement ne les traîne pas en cour, ne les fait pas cesser, mais les poursuit de plus belle. Vous avez un des conseillers politiques de Bush, un des principaux qui a déclaré qu'il est vraiment fier, lui, d'avoir utilisé le waterboarding pour briser les terroristes. Alors, ça a été publié dans le Daily Mail. Vous avez une vidéo, d'ailleurs, à aller voir aussi par rapport à ça. Ça, c'est Karl Rove. Alors, lui qu'on décrivait comme étant le cerveau, un des principaux cerveaux de l'ancien président, M. Bush. Alors, lui, il a déclaré qu'il ne croyait pas que ces méthodes d'interrogation constituaient de la torture. Alors, ben oui, lui, il trouve que c'est absolument correct, normal de faire ça. Alors, on apprend dans une autre nouvelle que les sessions de waterboarding, finalement, faisaient en sorte que les détenus en arrivaient proches à la mort, proches de mourir. Alors, ça, c'est un rapport qui a été aussi publié, alors qui était basé sur plusieurs documents du programme de torture de la CIA, qui a été publié au courant de la semaine passée. Alors, allez voir ça aussi, c'est très important. Alors, les États-Unis qui finalement ont institutionnalisé la torture. En fait, au 21e siècle. Alors, c'est le portrait auquel vraiment là, il faut faire face. Vous avez des officiers du renseignement américains aussi qui ont utilisé le waterboarding, plus de 160 fois sur un des masterminds, un des principaux cerveaux apparemment du 9-1-1. Alors, je dis apparemment parce que, écoutez, on est loin d'avoir été les vrais perpétrateurs du 9-1-1. Alors, ça a été déclaré par un ancien boss du MI5. Donc, voilà, une autre nouvelle qui parle de ça. Ensuite, Petraeus, ça c'est un général américain qui a déclaré, lui, que la torture est une option pour les États-Unis, alors que lui, il disait que c'est important qu'on considère l'utilisation de des techniques spéciales d'interrogation. Hein? Donc, il faut parler les suspects. Et puis, vous avez l'administration Obama qui, lui, a complètement fermé des enquêtes, justement, dans le sujet de la torture de l'ère de Bush. Alors, on a fermé plusieurs, en fait, c'est 99 dossiers comme ça, des enquêtes dans la torture qu'on a tout simplement, on a fermé. Alors, merci, bonjour, le dossier est fermé, on n'en parle plus. 99 cas sur 101 qu'on a tout simplement balayé du revers de la main. Ça vient du département de justice sous Obama. Alors, n'est-ce pas absolument incroyable? Alors, on couvre nos traces comme ça. Des médecins qui ont déclaré Guantanamo, donc vous avez des commissions qui sont ouvertes qui disent que Omar Kadar a été enchaîné à des portes et puis a été torturé comme ça, gardé dans des positions de stress pendant très longtemps. On lui a mis des sacs sur la tête pour pas, c'est en fait la privation sensorielle. Alors, c'est toutes sortes de techniques de torture comme ça qui sont utilisées pour essayer d'avoir des supposées confessions de des gens, alors qu'on sait que les gens vont avouer n'importe quoi juste pour faire cesser la torture. Alors, c'est plutôt pour extraire des fausses admissions pour servir les intérêts de l'Empire. Alors, vous avez des évidences justement de l'innocence de Kadar. Alors, ça, c'est un jeune de 15 ans qui avait été enlevé là, justement du terrain de l'Afghanistan. Et ce gars-là, il a une citoyenneté canadienne et puis il se trouve encore là. Donc, c'est toute une histoire aussi qui est à suivre. Un juge qui a banni des évidences secrètes dans des compensations, un cas de compensation d'un monsieur qui a été torturé à Guantanamo. Vous voyez un peu le portrait là assez particulier là dans ce dossier-là. Alors c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Bonne nouvelle, un juge ici permet les Américains à poursuivre en justice Rumsfeld par rapport à la torture. Alors ça c'est une bonne chose qui est sortie très dernièrement d'ailleurs. Une autre nouvelle là, qui parle que la Cour a donné des sanctions contre la CIA pour avoir détruit justement des enregistrements de torture. Alors, ça aussi, là, c'est une victoire contre justement ce genre de cover-up là, de toute la torture qui a été utilisée. Vous avez Obama qui a signé une extension d'un an pour le Patriot Act. Alors, ça a été publié ici aussi dans le New York Times de 2010. Alors, c'est pour vous rappeler que, justement, M. Obama est aussi impliqué justement dans ces attaques contre la liberté et la démocratie. Donc, voilà en gros là, les nouvelles les plus importantes par rapport à ça. Peut-être une autre chose à pointer ici. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties par rapport à la mise à jour d'une prison secrète de la CIA en Somalie. Alors, des prisons secrètes dont on apprend l'existence comme ça et qui sont utilisées par la CIA. Alors, on arrête des gens puis on les met dans ces prisons secrètes et ils disparaissent de la circulation. Personne ne sait où sont passés ces gens-là. On n'informe pas la famille. Et puis, ces gens-là, on n'a aucun recours à de l'aide extérieure. Vous avez même des bateaux comme ça, des bateaux secrets de la CIA et puis qui sert de prison. Alors imaginez, c'est absolument incroyable, c'est absolument incroyable. Donc voilà, je crois vraiment là, que ça fait le tour là, des plus importantes informations. Je vais vous laisser découvrir le reste rapidement. Écoutez, là, je crois que je vais vous balancer quelques nouvelles de l'économie que je ne peux pas passer sous silence avant qu'on se quitte là, pour au moins 2 semaines. C'est l'histoire là de la dette aux États-Unis. Alors beaucoup de tapage médiatique avec cette histoire-là aussi. On dit que là, soudainement, on réalise que les États-Unis sont endettés. Oh, c'est incroyable, la grosse dette. Et puis, comme je vous disais en début d'émission, c'est un faux débat parce que justement, les États-Unis ont le pouvoir de justement respecter la Constitution. Hein? Non seulement le pouvoir, mais on devrait avoir le devoir de le faire et puis de produire leur propre monnaie, de frapper, de produire leur propre argent au lieu de le demander à des banquiers privés avec intérêt, ce qui est complètement ridicule. Alors, ce qu'on a fait, c'est que là, on est en train On a ça, en fait, cette semaine, on a voté rapidement là, un genre de deal là, pour faire en sorte que les États-Unis ne fassent pas défaut sur ces paiements. C'est de ça qu'apparemment, ils avaient très, très peur. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a décidé finalement d'enfoncer les États-Unis encore plus dans la dette, d'imprimer encore plus d'argent, donc d'évaluer la monnaie américaine. C'est pour ça que vous avez vu les taux de l'or monter à des sommets historiques. Les taux de l'or à l'once sont montés à 100, à 1000, 1665. On a atteint vraiment là, un sommet absolument incroyable. Et puis l'argent qui est à 41 $ l'once. Donc, écoutez, évidemment que toutes ces choses-là sont liées ensemble. Et puis là, on a promis de ne pas taxer les Américains plus davantage, d'imposer davantage. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on a repoussé plus loin, même après les élections de 2012, finalement, des coupures ou ben non, les moyens pour essayer de couper justement dans la dette. Alors, évidemment qu'on parle ici de mesures d'austérité, d'installation de nouvelles taxes. Alors, non seulement, c'est assez incroyable parce qu'on a promis justement de ne pas augmenter les taxes présentes, mais on n'a pas absolument rien dit par rapport à la création de nouvelles taxes. Alors, la journée, je pense que c'était la journée n'était même pas terminée qu'on a frappé ce deal-là pour augmenter le plafond d'endettement des États-Unis, que vous avez Nancy Pelosi qui a admis qu'ils étaient en train de planifier, de contourner justement cette histoire-là en créant des nouvelles taxes, alors des taxes sur des produits, des ventes des produits. Et écoutez, c'est incroyable, c'est évident que les États-Unis, les Américains vont se faire ramasser avec cette histoire-là parce que non seulement on endette plus les Américains, mais on prétend que justement il se passe absolument rien, donc on ne coupe pas nulle part, surtout pas en tout cas dans l'armée. Sauf que ça va venir dans les produits, c'est-à-dire dans les services sociaux, ça c'est certain. On va finir par couper graduellement, mais sauf que c'est là qu'on va couper le plus. Et puis, écoutez, ça va faire mal. Vous avez la cote de la dette des États-Unis qui risque d'être justement rabaissée, puisqu'il va faire instantanément monter les taux d'intérêt sur les détenteurs, les prêteurs en fait aux États-Unis. Alors, ça, c'est tout un dossier à suivre. Obama qui a promis de ne pas faire de coupure avant les prochaines élections. Alors, lui, il va emprunter plus de 2 trillions de dollars et qui va mettre sur le dos des enfants. Hein? Donc, on va rendre esclaves les générations futures. Et c'est comme ça qu'on a décidé de pelleter les problèmes encore un peu plus loin dans le futur, mais en les mettant, en les créant, en leur donnant encore plus d'expansion, en les rendant beaucoup plus graves. Alors, vous avez Michel Chostowski, lui qui est professeur en économie à l'Université d'Ottawa, qui écrit un article qui lui a déclaré justement que ce n'était pas une crise de la dette, que c'est un génocide économique. Alors, vous allez aller voir son article très important. Donc, ça a été publié là, sur Global Research, justement qui parle de cet effondrement des États-Unis. Alors, on tenterait réellement là, à travers de cette fameuse récession, de cette crise économique là, on est en train de voir une architecture financière globale qui a pour objectif là, de voler l'argent du monde simplement, ok? Donc de la classe moyenne et puis de la réduire à néant. Donc écoutez. Vous avez cette débâcle financière depuis 2008-2009 qui est le résultat d'une fraude institutionnalisée et de la manipulation financière. Et puis ces fameux plans de sauvetage ont été mis en place suite aux instructions de Wall Street et cela a mené au plus large transfert de fortune d'argent de l'histoire, alors et en même temps créant une dette insurmontable de dette publique. Donc c'est ce qu'il raconte et puis c'est réellement ce qui se passe, c'est du terrorisme financier, c'est de ça qu'on vous parle depuis des mois et des mois et des mois ici sur l'autre monde et puis ça prend forme sous vos yeux. Là vous avez différentes nouvelles là, qui parlent justement de ça, qu'on est en train d'augmenter la dette là, sur en fait le dos des Américains. Alors, pendant ce temps-là, on aurait pu l'imprimer sans le devoir à personne. Donc voilà. Donc c'est vraiment on est en train de mettre les États-Unis à terre. On est en train vraiment là, tout démonter les États-Unis. Puis là, vous allez voir des photos aussi assez incroyables, des articles là, qui ont été publiés cette semaine d'ailleurs, où on voit carrément là, des villes, même on parlait ici en Californie il y a quelques mois, des villes tentes. Alors, des gens qui ont perdu leur maison, qui habitent dans leur tente, dans des abris de fortune. Et puis là, écoutez, ça se transporte un peu partout à travers le pays. C'est assez incroyable de voir ça. Vous avez des tentes là, dans le coin de. Attendez un peu que je retrouve ça, là, au New Jersey. Alors, vous allez trouver la Tent City, alors la ville des tentes. Alors, les gens qui sont obligés, sont forcés de vivre dans des abris de fortune parce qu'ils ont tout perdu. C'est absolument incroyable de voir ça. C'est aux États-Unis, la tiers-mondialisation des États-Unis, un pays qui était immensément riche. Et puis pendant ce temps-là, ben vous avez les profits des compagnies américaines qui continuent d'augmenter, alors que l'économie continue, elle, de se planter, de plonger encore plus profondément dans la récession. Alors, les compagnies majeures des États-Unis, eux autres qui, ces derniers mois, encore là, comme 3M, Caterpillar, Goodyear, Microsoft, Apple, vous avez entendu une nouvelle, Apple qui a plus d'argent que le gouvernement américain, là, je veux dire, c'est vraiment pour vous dire, dans le second quart financier de 2011, on tous fait des records de profits. Alors, même affaire pour les compagnies pétrolières. Alors, des gros profits absolument incroyables. Les gens, eux autres, ils se brassent, hein, ils brassent des grosses affaires pendant que le reste de la population, vraiment n'ont pas d'argent pour survivre. Vous avez des nombres records. Je crois que c'est 48 millions d'Américains qui vivent sur l'aide alimentaire. Alors, vous avez un article très intéressant ici qui vous montre qu'est-ce que ça représente, 114 trillions de dollars. Alors, visuellement, c'est assez intéressant à voir. Vous allez voir que ça l'équivaut, en fait, là, plus haut, si on mettait ça là, sur des palettes, là, avec des billets de 100 dollars, là, on met tout ça ensemble, c'est plus large et plus haut que les anciennes tours jumelles à New York. Alors, c'est vraiment, ça, c'est la dette accumulée des États-Unis. Alors, c'est évident que ça va être impossible à rembourser. C'est des dettes fictives. C'est complètement ridicule. C'est pour rendre les gens esclaves des financiers. La Fed qui est sous enquête pour des nouveaux détails qui sont sortis. On a eu des prêts secrets qui ont été octroyés à des banques étrangères et puis des banques américaines de l'ordre de 16 trillions de dollars. Alors, des prêts secrets. On ne sait même pas où la plupart de cet argent-là est passé. Voyez des nouvelles absolument choc comme ça. CNN qui a essayé de convaincre les Américains qu'ils étaient obligés de payer le gouvernement, alors payer les factures du gouvernement, alors que ces gens-là n'ont pas dépensé cet argent-là, les Américains. Hein? Les Américains n'ont pas vu la couleur de cet argent-là. C'est le gouvernement qui l'a dépensé sans leur permission. Alors, c'est assez incroyable. Et puis, vous savez, les États qui sont en train de négocier l'immunité pour les banques sur justement le gros scandale des reprises de finances dont on a beaucoup parlé aussi sur l'émission. Alors, au lieu de punir les banques, les envoyer en prison, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de dealer l'immunité pour ces banques-là. Alors, vous voyez qui mène hein, aux États-Unis? C'est les banquiers internationaux, chers amis, les banquiers privés américains et internationaux. Donc, un système qui est en train de s'effondrer. Alors, allez voir ça. Vous avez toutes sortes comme ça d'indices là, qui montrent justement que ça va pas très bien. Vous avez l'inflation qui top 11,1% aux États-Unis. Ça, c'est les vrais taux qu'on calcule là, selon justement là, les indices CPI. Alors, j'en ai parlé aussi dans des émissions précédentes. Pendant ce temps-là, ben écoutez, vous avez Obama, lui, qui fait de plus en plus d'argent avec Wall Street. Là, il ramasse beaucoup d'argent, lui, pour sa future campagne électorale. Alors, vous voyez avec qui il est ami. Et puis, vous voyez que Wall Street est très satisfait avec Obama. Donc, c'est évidemment un gouvernement pour les banquiers. Alors, ces gens-là, ils sont tout contents, ils sont ensemble. Et puis là, vous avez des nouvelles qui sortent là, des réseaux de prostitution pour les clients de Wall Street qui ont été mis à jour. Alors, vous voyez, ces gens-là, ils ont tellement d'argent qu'ils se promettent, qu'ils se payent des putes à 10 000 $ à l'heure. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Les payeurs de taxes américains, ils vont perdre de eux 1,3 million de dollars alors que Chrysler, et puis le gouvernement se retire de Chrysler. Alors, les Américains qui ont finalement donné 1,3 million de dollars à Chrysler. Alors, c'est comme ça. Et puis là, vous avez hein, le. Donc, différentes nouvelles là, qui parlent de ça. Et puis, vous avez le gouvernement qui a perdu aussi un autre 14 millions de dollars, justement, avec ses plans de sauvetage des grands manufacturiers automobiles. Ça comprend là, General Motors, puis Chrysler. Alors, c'est pas incroyable, le gouvernement. Le General Motors qui a collecté 17 millions, lui, du Tennessee pour créer des jobs. Puis après ça, ça a créé son camp du Tennessee l'année d'après. Alors, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il connecte l'argent des payeurs de taxes. Puis après ça, ben, il se pousse. Hein? Donc, c'est vraiment l'histoire là, qui est en train de se dérouler aux États-Unis. Vous avez la FDIC, ça c'est l'organisation qui est censée garantir un certain pourcentage des dépôts des épargnants dans les banques, qui elles se retrouvent avec absolument rien, n'ont plus d'argent du tout. Et vous avez des banques américaines qui sont insolvables à l'ordre de 3 trillions de dollars. Donc, c'est assez incroyable. Alors, FDIC qui prétend avoir les fonds pour supporter plus de 7 trillions de dépôts bancaires alors qu'il ne reste absolument rien dans ces fonds-là. Écoutez, là, c'est quand même assez incroyable. Quand je vous dis, les banques, là, qui profitent, là, justement, des emprunts de la Fed et qui, après ça, ont prêté de l'argent au gouvernement fédéral. Donc, ils empruntent de l'argent, puis après ça, ils chargent les Américains pour se faire rembourser. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment, là, c'est quasi une mafia financière, là. Et puis, parlant de mafia financière, ben, vous allez voir que, après ça, qui fait de l'argent là-dedans? Parce que là, on parle des mesures d'austérité coupées dans les programmes sociaux. Par contre, le Pentagone, lui, reçoit 50 milliards de dollars de plus après qu'on ait voté, justement, le nouveau budget. Donc, c'est assez, voyez là qu'on ne coupe jamais dans les fonds militaires, donc dans les guerres à l'étranger. Ça, c'est assez incroyable. Vous allez voir que le vrai budget américain a ce problème très particulier, c'est que la défense et la guerre dépensent 94% de tous les revenus fédéraux puis des taxes aux États-Unis. OK? Alors, les chiffres sont là, sont directement dans votre figure. Donc, on dépense énormément d'argent dans l'armée. Hein, donc, 94% de l'argent qui est collecté s'en va dans le département de la défense, en fait, le département de la guerre, hein, disons-le, et puis dans les guerres étrangères. Donc, vous avez Bernie Sanders, d'ailleurs, qui déclare que le budget militaire a plus de triplé depuis 1997. Et puis, on ne fait absolument rien pour couper là-dedans. Hein, donc, ça, c'est important, le militarisme, n'est-ce pas? Pendant que l'économie civile est en train de s'écrouler. Vous avez plusieurs nouvelles comme ça. Les États-Unis sont complètement en banqueroute, mais on continue de maintenir en place 737 bases militaires dans le monde et puis plus de 2,5 millions de troupes à travers justement le monde et puis ces bases. Alors, on demande de faire des sacrifices. On demande de faire des sacrifices aux Américains, mais pendant ce temps-là, l'appareil militaire, lui, est en train de tout manger l'argent des payeurs de taxes. Donc, évidemment que c'est beaucoup d'argent, ça fait l'affaire de justement ces profiteurs de ces guerres-là, et puis les gens qui rebâtissent après les catastrophes naturelles aussi. Donc, tout cet argent-là s'en va vers dans les mains privées. Vous avez Lieberman, qui est un sénateur aux États-Unis, un autre pute d'Israël, qui a déclaré qu'on doit couper dans la sécurité sociale, alors les fonds de sécurité sociale aux États-Unis, pour payer la défense. Alors, c'est comme ça que les autres, ils voient les choses. Alors, on doit couper dans les fonds sociaux, dans les fonds d'aide aux Américains, les fonds de pension, et ainsi de suite. Et puis, il faut investir au maximum dans le département de la défense et aussi envoyer beaucoup d'argent à Israël. Donc, là, on parle même ici de John Bauer qui parle de monter l'âge de la retraite à 70 ans. Donc, vous allez continuer à travailler plus longtemps. Hein? Donc, c'est quand même assez incroyable. Pendant ce temps-là, vous avez la US House Committee qui a affirmé qu'on ne va pas toucher à l'aide étrangère qu'on donne à Israël. Alors, on donne évidemment des milliards de dollars à chaque année, plus de 3 milliards d'aides militaires annuellement. Et puis, vous avez les États-Unis aussi qui ont justement encore réaffirmé leur engagement envers Israël inébranlable. Hein? Donc, on perd de l'argent. Mais par contre, on a tout le temps de l'argent pour donner à Wall Street, à l'armée et puis à nos petits copains à Israël. Pendant ce temps-là, vous avez Israël qui a vendu des fighters, des jets F-15, en fait des moteurs de ces fighters-là à la Chine par erreur. Oups, regardez donc ça, c'est assez particulier. Hein? Donc, Israël se retourne de bord et puis vend ces secrets militaires-là à la Chine. Donc, toutes sortes d'affaires comme ça, de l'argent qui se perd, donc dans les constructions là des occupants dans les territoires occupés, alors plus de 50 à 60 millions de dollars qui ont été perdus comme ça dans la bande de Gaza, alors pour construire des colonies. Lockheed Martin, lui, qui a gagné un contrat de 72 millions de dollars pour installer les fameux scanners un peu partout aux États-Unis, dans les aéroports, alors 300 aéroports. Microsoft, qui utilise des trous dans la loi et ne paye seulement que 7% d'impôts, alors que les gens en général doivent en payer 35%. Donc, vous voyez, et puis il y a un autre article qui parle justement des 10 corporations comme ça qui évitent de payer des taxes. Alors, plus vous êtes riche aux États-Unis, moins vous payez de taxes. C'est comme ça pour ExxonMobil, Bank of America, General Electric, Chevron, Boeing, et puis Goldman Sachs, Citigroup, ConocoPhillips. Et d'autres comme Carnival Cruise Lines. Et on va falloir se quitter là-dessus, chers auditeurs. J'aurais pas eu le temps de parler encore de Fukushima ni de la Libye. On va sûrement y revenir. Deux petites choses peut-être rapidement avant de se quitter. Une chose à surveiller aux États-Unis, c'est qu'on a créé un super congrès justement pour faire passer ces nouvelles mesures économiques-là. Et ce super congrès-là est au-dessus du congrès, donc il est complètement en dehors de la Constitution, complètement anticonstitutionnel aux États-Unis. Ça va être une affaire absolument importante à surveiller. Et au niveau de Fukushima, ce que je vous dis de surveiller, c'est qu'on est en train de découvrir différents points, différentes fuites très importantes à très, très, très haute radiation. On parle d'au-dessus de 10 sievers, alors c'est au moins 5 fois la dose mortelle, là, quasiment instantanée dans les secondes là, qui suivent d'une exposition. Donc, on est à 5 mois après, là, et puis on trouve des zones comme ça là, extrêmement radioactives. Et ça montre justement probablement que le corium est en train de se promener sous la Terre dans différents tuyaux et quoi que ce soit. Alors, la situation qui ne s'améliore vraiment pas à Fukushima. Donc, voilà, chers amis, c'est tout pour cette semaine. On se quitte là-dessus. Moi, je salue bien bas. Et puis, on se retrouve rapidement dans quelques semaines. Et puis, je vais vous parler des studios de Montréal. Alors, c'était François Marginal pour L'Autre Monde. Ciao! I'm just now waking up to what life is facing us and what we've all become. And I'm just now waking up. Oh, I hear them call your name, and it's not the same. I'm just now waking up. Oh, yeah. I'm just now waking up to what life is facing us and to what we've all become. And I'm just some people call your name, but it's not the same. I'm just now waking.